You better run, boys. Run for your life. Et Simonac avec la face en plus. Tu l'aimes ce vieux là. Ah, c'est qui? Salut tout le monde, bienvenue, joyeux Noël, joyeux Hanouka, ça va être la Saint-Patrick, puis c'était l'action de grâce, en tout cas, pour trouver une fête, souhaite fête est là, nous autres on fête Noël aujourd'hui pour le 50e épisode de l'Horreur Gamer Show, salut la gang! On est tous naughty à soir! Oh, c'est qui ce naughty là? C'est Steven, salut Steven! Salut Seb! Hey, content de te revoir, ça fait longtemps. Alors, toi, ça fait longtemps. T'étais pas là la dernière fois. Tu nous as laissé avec ton Thanksgiving, là. On n'en jasera pas. On n'en jasera pas. On a un autre naughty. Hey, même s'il est très silencieux, il est très, très naughty. Checkez-moi ça. JF Tremblay. Salut, JF. Salut. Je sais pas, qu'est-ce que t'as avec mon silence à soir? Mais... À soir, ton tu silence. Tu connais, je suis tout le temps. Ouais. Ok, c'est beau. T'es mieux d'être mal commode. Eh ben, je garde d'accord. La plus naughty de la gang pour la fin. Oh, yeah. You know me so well. Vicky. Salut, Vicky, ça va bien? Hello, ça va super bien. Yes, t'as l'air en forme. C'est excellent parce que ouais. Je pense qu'on est... On est craqué pour ce soir parce qu'on a deux films, je pense, dont on a le goût de jaser. Steven avait hâte, en tout cas, il nous l'a fait savoir cette semaine. Yes. Et ben, on parle de Silent Night, Deadly Night, ainsi que de Krampus. Et évidemment, notre spécial de Noël. Puis je pense que on avait-tu des petits messages spéciaux à dire? Je pense que non, hein? Non. Non? Non, je crois pas. Ben, je pense qu'on commence ça tout de suite! Alors, Silent Night, Deadly Night, ça commence sur un petit garçon qui voit ses parents se faire assassiner le soir de Noël par un homme déguisé en Père Noël. Donc, on se doute bien qu'il commence à avoir très, très peur du Père Noël et ça va le suivre toute sa vie jusqu'à l'orphelinat où on va tenter de lui faire aimer le Père Noël, mais en vain. À un moment donné, il est rendu plus vieux et on le fait travailler dans un magasin de jouets. Ça va très bien, sauf le soir où on décide qu'il fait le Père Noël. Et voilà, il vire fou et il se met à massacrer tout le monde qu'il considère au début comme naughty, comme des méchants, comme des gens qui n'ont pas bien agi comme le Père Noël aurait puni les gens méchants. Et après ça, ben, ça part en chire puis il se met juste à assassiner du monde, comme ça. Et c'est ça, Silent Night, Deadly Night. Mon appréciation du film. En fait, je dois malheureusement vous parler du 2 pour comprendre le 1. Parce que Silent Night, Deadly Night, ça a pogné, puis on fait un 2. Et dans le 2, la première heure du film, c'est le 1. On ne revoit que le premier film. Donc, quand on a proposé Silent Night, Deadly Night, j'y m'étais dit, hey, je l'ai vu tellement souvent, je vais me tanner. Mais là, je l'écoute, puis je me rends compte que ça va pas aussi vite que dans ma version. Et je me rends compte que finalement, j'ai vu le 2 plein de fois, mais jamais le 1. Donc... Je me retrouve face à un film que je connais l'histoire, je connais la finalité, mais qui développe davantage, qui fait que moi, personnellement, mon appréciation, c'est que je l'ai trouvé long. Parce que je connaissais l'histoire, puis je trouvais que ça l'enchaînait pas, puis ça l'aboutissait pas. Parce que dans ma version officielle que j'ai vue plus d'une fois, ça avançait, ça allait plus loin, ça allait plus vite, les meurtres s'enchaînaient. Là, les meurtres s'enchaînent moins rapidement. Oui, Sam? J'allais dire, écoute, que tu l'aies vu ou pas, c'est le même feeling de mon bord. Ouais, mais c'est ça, c'est que... T'as vu deux, là, ça avance pas vite. C'est ça, c'est un film qui manque de payoff, à mon avis. Je l'ai écouté avec mon copain en disant, « Hey, ça, c'est un douteux, ça va être drôle, un douteux, pour ceux qui connaissent après ça. » Il y a aussi l'expression « so bad it's good ». Moi, j'utilise vraiment l'expression « douteux ». Puis, tu sais, c'est un film qui va porter à confusion, qui va poser des questions. C'est ça, un douteux. C'est un film où c'est tellement ridicule par moment que tu fais, « Ben, voyons donc qu'il fait ça, voyons donc qu'il agit comme ça. » Mais j'ai trouvé que le premier, Silent Night, Deadly Night, ne le fait pas assez. Il n'y a pas assez de moments où tu peux rire des gens ou rire des actions. les crimes sont quand même bien faits, les meurtres sont quand même bien faits, sont créatifs, sont drôles pour ce qu'on s'attend du film. Et je trouve que, je sais pas si un de vous trois, les gars, qui sait la date, la main du film, j'ai pas noté, 84, mais... 84. Merci! Hey, les filles, êtes-vous jalouses? J'ai un écho d'orme! Alors, à 1984, donc, je trouve qu'il est très représentatif des années 80. Il est pas plus mauvais qu'un film de cette époque-là, puis il est pas mieux. Je trouve qu'il est représentatif, que quand j'écoute un film des années 80, c'est à peu près à ça que je m'attends. Regarde, t'as frustré Steven, il est parti, là. J'ai pas vu ça, fait que je vais continuer à jaser. Steven, je t'ai volé ta place, je t'ai volé ta critique. Ah, il est revenu. Ah! Bon, là, Steven est en crise, là, il est parti. Là. Ouais. Là, ils ont pas aimé mon film. Non, le sèche-cheveux de ma copine il est parti puis je voulais pas qu'on l'entende. D'accord. Ok. Mais c'est ça. Fait que ça allait. J'étais assez déçue, mais je le propose quand même, mais plus le 2. Où je me souviens que j'ai plus ri, que je me suis plus amusée personnellement parce que j'ai trouvé encore plus douteux, je l'ai encore trouvé un petit peu plus ridicule que le premier. Par contre, pour les fans de cinéma des années 80, vous pouvez facilement écouter le premier parce que je pense qu'il peut être satisfaisant. Parfois long, mais satisfaisant. Je vous laisse la parole. Steven? Ah ouais, c'est à moi? Oui. Ah ouais? OK. Ah. Ben moi, je connaissais très bien Silent Night, Deadly Night parce que c'est un de mes petits plaisirs que j'adore revoir à profusion durant le temps des fêtes. Et petite anecdote sympathique, lorsque le film il est sorti en 84, ça avait une grosse sortie, puis il y avait des bandes-annonces un peu partout qui jouaient à la télévision, des posters, mais le problème, c'est que le film, les annonces, ils jouaient à plein l'heure de souper, les posters, on pouvait voir ça dans les centres d'achat un peu partout, et ça donnait une mauvaise vision du Père Noël envers les enfants, parce que durant le souper, ben, tous les enfants pouvaient voir la bande-annonce de Silent Night, Deadly Night. Fait qu'il y a plusieurs femmes qui sont allées contester contre ça, puis ils ont réussi à faire en sorte que le film se fasse renvoyer et interdire dans les cinémas. Ce qui a créé un certain buzz et c'est grâce à ça en fait que le film s'est fait connaître un peu plus après plusieurs années. Et moi je comprends pas pourquoi le film est pas plus connu qu'il faut. Je pense que c'est GF ou Vicky qui disait que... C'est moi. T'attendais plus parler de Silent Night que Black Christmas? Ouais, ben moi comme je t'ai dit, j'ai beaucoup évolué dans le cercle des douteux. Je l'ai aussi parlé du podcast Les Oubliettes de Simon Predge. Moi là, Silent Night, Deadly Night, à chaque année à Noël, je le vois passer à profusion sur mon Facebook. Et quand on l'a suggéré, ça fait déjà 4 ou 5 fois que je le voyais, j'en entendais parler. Puis moi, je vous le dis, surveillez le podcast Les Oubliettes ou Simon Predge sur Facebook. C'est sûr qu'il va le mettre sur oubliettes.tv durant la période des fêtes. C'est un bijou, puis c'est tout le temps là. Fait que moi, ce film-là m'habite plus, mais le 1 ou le 2, peu importe, là, mais ce duo de films-là m'habite plus que Christmas Night, Black Christmas? Black Christmas. Ouais, mais moi, Silent Night, Deadly Night, j'en ai un overdose à la fin de Noël, tellement j'en entends parler. OK. C'est intense, là. Ben moi, vous savez, je suis un gros fan de slasher, surtout des années 80. Puis j'aime beaucoup Silent Night, Deadly Night, puisque je trouve qu'il se sépare assez bien du lot. Je trouve pas que c'est le slasher typique qu'on a. Avant qu'on arrive dans la deuxième partie du film qui débute vraiment après 45 minutes, je trouve qu'on tombe dans un genre de film psychologique, de développement d'un assassin qui va en devenir. C'est peut-être pas de la grande qualité en termes de performance d'acteur ou de scénario. Mais je trouve que le réalisateur a quand même fait une job à essayer de justifier sa démence pour mettre sa décolle dans le film. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que ça donne lieu à plusieurs scènes qui sont vraiment le fun. Parce que je trouve pas que Silent Night, Deadly Night, c'est un so bad, it's good. Je trouve que c'est un film vraiment le fun, qui a des points faibles, mais qui me gêne pas tant que ça. Il y a peut-être un problème de rip, comme tu dis, Vicky, mais je trouve que ça arrive peut-être un peu plus... à partir de quand on le voit adulte à son nouveau travail, je trouve que c'est là qu'il y a un petit problème de rythme. Parce qu'avant ça, toute sa partie jeunesse dans l'orphelinat, puis avant ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis j'étais autant dedans que les autres fois, je l'ai écouté. Puis tu n'as pas mentionné un des aspects très importants, mais ce qui va déclencher la peur du jeune du Père Noël, c'est sa visite à l'hospice de l'asile de fous, voir son grand-père, parce que c'est une bonne idée d'amener un enfant dans un asile, voir un grand-père silencieux qui apparemment ne parle jamais et qui va lui raconter une histoire super sadique sur le Père Noël, puis que le seul conseil qu'il a à lui dire, c'est de s'enfuir le plus vite possible lorsqu'il va raconter le Père Noël. Et cette scène-là était écœurante parce que l'acteur, il est dedans. L'acteur, il joue, il se donne à fond pour son 5 minutes de gloire. Il en a les larmes aux yeux. Il n'y a pas de trucage. Le gars, il pleure tellement qu'il est intense dans son explication du Père Noël démoniaque. Et cette scène-là, à chaque fois, je la trouve mémorable. J'adore, je suis fanatique de ce vieux-là. Et ensuite, c'est là qu'on va voir les parents du jeune se faire tuer. Et j'adore cette scène-là parce que je la trouve pas drôle. Je trouve que la scène est quand même assez creepy, puis crass, puis je trouve que justement la première heure du film est plus proche d'un greenhouse que d'un véritable slasher, parce qu'il y a un côté un peu froid et sale dans l'image, puis une exploitation assez évidente des scènes de sang puis de violence qui me rappelait justement ça. Tu sais, un peu Pieces, mais en meilleur selon moi, vu que je sais que Jeff est pas le plus grand fanatique de Pieces. mais c'est ça, moi j'ai trouvé le développement vraiment réussi des 45 premières minutes, puis à partir de quand le film se transforme en slasher, ben j'ai vraiment du fun avant même que ça se déclenche. Comme je disais, il y avait un petit problème de rythme, mais dès qu'il commence à punir les naughty personnes, puis qu'à chaque fois avant de tuer quelqu'un, il est là « Punish! Punish! » Ah ouais, moi, ouais. Ah, c'est vraiment génial, puis il utilise toutes sortes d'objets de Noël pour tuer le monde. C'est tout le temps dans la thématique de Noël, des guirlandes, des lumières. Je trouve ça vraiment le fun. Ou une scène en traîneau avec une hache qui dévale est écœurante. J'adore cette scène-là. Les meurtres, comme tu dis, Vicky, sont inventifs. Puis une des meilleures scènes qu'on a, c'est celle-là avec l'Inequali, qui était assez populaire à l'époque pour se montrer les seins, qui se fait empaler sur une tête de chevreuil. Vraiment, je pense que c'est une de mes scènes de meurtre favoris. Par contre, je dirais peut-être c'est au niveau de la finale. Je trouve la finale un petit peu décevant. Je trouve qu'elle manque un petit peu de punch. Ça arrive un peu trop rapidement, le déroulement. Par contre, il y a une des scènes les plus drôles, tellement que c'est gratuit, c'est lorsqu'il décapite un bonhomme de neige pour rien. Il va y découper la tête. ça, c'est une scène assez drôle et maladroite. Mais si vous êtes fan de slasher, puis un peu fan aussi d'un côté greenhouse qui se prend un petit peu au sérieux, puisque c'est peut-être ça le problème du film, il y a un équilibre bizarre entre film le fun et film qui se prend un petit peu trop au sérieux. Fait que par moments ça marche, par d'autres ça marche un peu moins. Mais globalement, je trouve que c'est un des meilleurs films d'horreur de Noël qu'on a pour avoir du fun en gang. Je crois qu'on peut avoir beaucoup de plaisir. Puis le rythme en tant que tel est quand même assez bien soutenu globalement. On a plusieurs meurtres assez réussis. Puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le voir chaque année. Moi, contrairement à toi, Vicky, la suite, c'est une crise de marde parce que la première heure fait juste résumer le premier film en faisant plein de coupures. Mais les 20 dernières minutes du film avec Garbage Day est probablement un des meilleurs mauvais films que j'ai vu. C'est génial, ça. Pour ça, ça vaut la peine. Mais je préfère de loin le premier, qui est un film quand même mieux réussi que ça. Là. Fait que c'est ça. C'est tout? Oui. Cool. Jeff? OK. Ben moi, je l'avais jamais vu. Moi, je connais plus Black Christmas. Dans les films d'horreur de Noël, c'est lui que je connaissais le plus. Je connaissais pas vraiment, juste de nom vague. Là. C'était vraiment un petit point très, très faible sur mon radar, là, le Silent Night, Deadly Night. Fait que je l'ai vu pour la première fois cette année. Puis c'est comme ci, comme ça. Je suis pas trop sûr. J'ai embarqué dans le début. Puis je dirais que même que je me suis laissé comme Steven, tu sais, moi, la petite histoire de famille dans le char, tout ça, puis quand ils se sont fait attaquer, j'étais vraiment quasiment triste pour eux autres, puis j'étais comme « fuck, je veux pas qu'ils se fassent attaquer, je veux pas qu'ils meurent », puis là, j'étais vraiment poigné dans le drame de tout ça. Mais après ça, plus le film avançait, plus je débarquais de plus en plus, tu sais, puis moi, ce qui m'a vraiment déplu dans le film, c'est son côté très misogyne, très... je suis vraiment tanné, là, des slashers des années 80, que j'ai jamais vu quand j'étais jeune. T'sais, les découvrir de nos jours, je trouve que ça marche plus. Là. On n'est plus là pantoute dans les films d'horreur. Puis je trouve que de voir un film où que toutes les actrices qui n'ont pas moins de 18 ans ou qui n'ont pas plus de 65 ans sont toutes dénudées automatiquement, sans aucune raison. La mère au début, puis toutes les autres qui se montrent la poitrine, ça plus aucun rapport, c'est pas justifié jamais dans le scénario. Je pense qu'il y en a 5 ou 6 là maintenant. Je pense, c'est même plus que ce qu'on est habitué là. J'étais comme moi aussi à un moment donné, j'étais comme fuck that là. Pourquoi est-ce que là, montrer un autre là? La première, je comprenais pas. La première, je comprenais pas. Au pire, le couple qui baise chez les nonnes, je peux comprendre. Ouais, à la limite, je pense que c'est celui-là qui est le plus justifié, puis peut-être celui dans le backstore. Ouais. Mais après ça, l'autre, ça... Là, avec la fille, avec Linnea Quigley. Linnea Quigley, ben, elle a fait juste ça dans tous ses films, mais tu sais... Au pire, donnez-y le rôle d'un autre, là, puis ça va être correct. C'est ça. Mais, Mais c'est ça, tu sais, non, c'est rendu trop, là. C'est... Malheureusement, ça fait partie de ce style-là à l'époque. Je veux dire, comme dans Pieces, on voit autant de boules de manière gratuite. C'est un peu ça, le Green Hell, c'est de la gratuité dans la nudité et la violence, là. Je pense que j'étais un peu tanné de ça, puis je suis comme, non, je regarde encore mes vieux Jason, mes vieux Freddy de temps en temps, mais tu sais, je dis ça, puis ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais découvrir des nouveaux slashers en 2015, je suis plus dedans, je suis plus dans ce genre-là, pas en tout. Fait que j'ai comme eu plus ou moins du fun. Puis c'est, je sais pas d'où m'est venue cette idée-là, mais je savais, quand on est arrivé dans le bout du magasin de jouets, je pensais que le film, ça serait ça pour le restant du film, genre qu'on tournerait autour de ces personnages-là, que la fille, il y aurait une histoire plus longue avec cette fille-là. Puis quand la fille meurt, spoiler, de 35 ans, 31 ans, quand la fille meurt, j'étais comme, mais comment ça? J'étais comme, où c'est qu'ils vont y aller après ça? Puis après ça, ils s'en vont dans un killing spree, tu sais, qui tue du monde random par rapport. Puis j'étais comme, mais je pensais qu'il y aurait une histoire avec ces gens-là au magasin de jouets. Puis, tu sais, je regarde, quand ils sont tous morts après ça, puis je regardais la durée du film, il restait encore la moitié du film. J'étais comme, mais où c'est qu'ils vont aller après ça? Puis, et j'ai moins embarqué dans la deuxième partie. J'étais comme, c'est vraiment juste du tuage pour tuer du monde, puis ça a juste pas rapport. Mais tu sais, il y a des affaires cool, comme l'affaire de Lena Quigley qui se fait empaler, mais tu sais, c'est trop peu, trop... Je sais pas, ça m'intéressait plus ou moins. C'est ça, mais... Non, c'est ça, j'ai pas vraiment embarqué tant que ça. Le gars, c'est un petit point de niaiseux, là, mais... Je suis totalement hétéro, mais le gars, il paraît bien en esti, en dehors de son costume, là. Puis, c'est ça, tu sais, j'étais comme, fuck, il est vraiment good looking, le gars, là, oui. Ah, dis-le, Jeff, à chaque fois qu'il disait, est-ce que t'as été nourri, tu te sentais visé, là, oui. Je me demandais où est-ce que ça irait, le film, puis j'ai aimé quand même, à la fin, ils reviennent, j'ai pas pensé à ça du tout, à un moment donné, tu sais, quand ils ont commencé à revenir là, je fais « Ah oui, ok, c'est logique, là, qu'il y a, à la place où ce qui a été traumatisé. Mais ça me fait tellement rire que le shérif ou le chef de la police va, avec la nonne, il va comme décider de prendre tous ses hommes puis de les envoyer là, juste sur une intuition, tu sais. Ouais, il pourrait être là, mais il pourrait être aussi ailleurs dans la ville, puis tu continues à tuer du monde. Mais on va tout envoyer nos hommes chez les nonnes. Même si ça m'en prendrait rien que deux avec un gun chaque. Exactement. Ah, mais t'es obligé, il y a juste un autre plateau de tournage. On peut pas aller même ailleurs. Puis dans ce film-là, on tire avant de poser les questions. Hey, Chris, oui, hein? Ah, le Père Noël devant les enfants. Est-ce que c'est drôle? C'est ridicule. Ah, c'est ça. Puis techniquement, il y a plein de choses qui... c'est lent. Puis des fois, il y a des plans qui sont comme trop longs pour rien. À un moment donné, on est comme sur un plan du nom de l'Institut mental, je sais pas pourquoi, mais on est là pendant 30 secondes. Mais pourquoi? Je l'ai vu, là, c'est correct, tu peux couper, là. Puis c'est ça, il y a des affaires qui sont vraiment... C'est les acteurs, c'est moyen. Fait que, tu sais, je suis comme... J'ai pas haï ça, mais j'ai plus ou moins embarqué. Puis je suis pas curieux de voir les suites. Il y a 5 films en tout, je suis pas curieux de les voir du tout. Que, ça se dégrade. Je pense qu'on va m'en tenir à celui-là... Fait que c'est ça, j'ai pas détesté, puis tu sais, j'y ai repensé aujourd'hui, je l'ai vu, ça fait pas longtemps, j'y ai repensé aujourd'hui, j'étais comme, ouais, pas si pire que ça. J'en garde quand même des souvenirs relativement bons, mais tu sais, dans l'ensemble, c'est pas un si bon film que ça, là, pour moi. Mais c'est ça, c'est moyen, tu sais. Alors, ça se conclut avec ça? Oui. Ben écoute, Jeff, je vais quasiment faire un copier-coller de toi pour mon opinion, parce que oui, moi aussi, c'était un peu bizarre de découvrir ce slasher-là en 2015. Je l'écoutais avec quelqu'un, puis en bout de ligne, j'ai eu plus de fun à jaser avec la personne en écoutant le film d'un coin de l'œil quasiment que dans l'écoutant, surtout après les 45 premières minutes, parce que c'était juste du killing spree, puis côté l'histoire, on avait juste à mettre le cerveau à off, puis à suivre. Puis, tu sais, je pense que c'est toi qui as dit, c'était trop peu, trop tard. La nudité qui avait juste aucun bon sens. Moi, j'ai eu le feeling que t'as eu, JF, quand t'as écouté Pieces. OK. Ouais, tu sais, là, parce que t'étais comme, ah ouais, non, moi, non, ça me... Tu sais, j'écoutais, puis j'étais comme, non, non, non, non, non. Il y avait... le film venait rien chercher, là, même si je fais habituellement des jokes là, de yé des tatons, là dans lui, j'étais comme encore des tatons. C'était gratuit en esti. J'étais mal à l'aise. Je vais juste là. Te défendre pendant 30 secondes ce moment boobs, parce que pour l'avoir vu, découvert Silent Light dans le deuxième avant d'avoir vu le premier, le montage fait en sorte que dans le deuxième, on a l'impression que les seins sont un moteur qui déclenche la haine, de la colère. Parce okay. qu'on fait vraiment un enchaînement. À chaque fois qu'il y a des seins dans le deuxième, ben, on voit encore la mère. Puis on voit la mère terrorisée. On associe les yeux terrorisés à la mère, à sa nudité. Puis ça, ça l'associe à la vulnérabilité du petit garçon qui est fâché de voir sa mère aussi terrorisée. Fait qu'il y a toute cette association-là. Puis après ça, on saute tout de suite à la scène de sexe dans le couvent où la nonne réprimande. Fait qu'en tant que spectateur dans le deuxième et pour l'avoir vu en premier, moi, les scènes m'ont pas dérangé dans le premier film parce que il y avait trouvé une corrélation plus importante dans le deuxième de « il y a vraiment une pensée négative associée à la nudité créée par le meurtre de sa mère » qui est accentué par la nonne qui lui fait la mère supérieure, qui lui fait avoir peur des seins, le dégoût des seins. Parce qu'il a déjà peur. Parce que dès qu'il voit le couple faire l'amour, c'est sa mère dont il se rappelle. Mm-hmm. Puis au lieu de se faire rassurer, au lieu de se faire dire ça va, c'est correct, on lui pousse encore une fois. Fait que c'est comme si la mère supérieure culpabilisait sa mère de s'être fait tuer parce qu'elle s'est ramassée nue. T'sais, je sais, ça a l'air hyper psychologique, mais le montage du deuxième, pour vrai, moi, je l'ai écouté en gang, puis le montage du deuxième, c'est ça qu'on s'était dit. Nous, on était comme, mais arrête, il n'y a pas quelqu'un qui peut lui dire que des seins, ça, c'est pas si pire. T'sais, on avait envie de le prendre dans nos bras en disant, c'est correct, c'est juste des seins, ça va aller, c'est correct. Mais on dirait vraiment que dans le montage, on nous accentue comme quoi les seins sont un moteur qui va générer de la colère, de la haine, puis une envie de tuer. Parce que, tu sais, comme... Dans le deuxième, quand c'est quoi son nom là, de la blonde qui est tout le temps tout nu, qui se fait en parler, là? Lina Coguille, ouais. Ben, moi, je me souviens pas qu'on tourne autour d'elle avec son chum dans le sous-sol, puis que sa petite sœur... Tu sais, on rentre quasiment dans la maison, puis elle est tout nu quasiment déjà, parce qu'elle ouvre la porte pour le chat tout nu. Fait que moi, je me souviens d'elle, comme quoi il passe devant chez eux, elle est tout nu à la porte, puis là, ça fait comme... Fait qu'il y a vraiment un montage plus accéléré puis plus enchaîné sur pourquoi elle en meurt, parce qu'elle s'est montré les seins, puis les seins, il n'est pas capable. Fait que peut-être que dans le premier film, pas peut-être, vous confirmez que dans le premier film, on voit pas cette justification-là, mais dans le deuxième, moi, je l'ai vraiment vu. Ben, ça marche mieux, mettons, dans un Vendredi 13, où c'est les gens qui ont du sexe qui se font punir, tu sais, je trouve que ça marche mieux, c'est mieux expliqué. Mais moi, tout ce que j'ai vu dans ce film-là, c'est un film où ce que le réalisateur ou le scénariste ou les deux détestent les femmes. Parce que la et première chose qu'on voit, on voit le Père Noël qui tue la mère, mais tu sais, la mère, elle fait comme le frapper, puis il redonne un coup de poing où il frappe quelque chose en lui disant frappe-moi pas, touche-moi pas le visage. Puis c'est juste les femmes qui sont responsables de tout dans ce film-là, qui sont responsables du mal, tu sais. Puis c'est tout le temps elles qui se font punir plus que les hommes, puis je sais pas, j'ai vraiment juste l'impression que c'est un film anti-femme quasiment. Là, c'est sûr que la fille qui se fait violer puis qui se fait tuer parce qu'elle s'est fait violer, c'est assez intense. La mère supérieure est responsable, la fille dans le backstore, tout le monde est, tu sais, Lina Quigley, tout le monde est responsable, toutes les femmes sont responsables. Ils ont tout le temps de mal, couru après, tu sais. Mais je me demandais aussi une autre question. Le problème de rythme, selon vous, viendrait-tu du fait que la version qu'on a probablement toute vue est celle qui a des scènes rajoutées? J'arrive pas vraiment dans la tête à imaginer le film sans ces scènes-là. J'essayais, parce que la qualité, on voit qu'elle n'est pas pareille. Fait que, tu peux quand même imaginer ce que ça peut donner. Mais je peux pas vraiment imaginer en termes de rythme que ça devait être beaucoup moins long. Ça devait être genre 1h10, quelque chose comme ça. C'est quasiment le film. Les scènes rajoutées, c'est surtout au niveau du gore puis des plus longs plans sur les personnes à terre mortes. Fait que je pense que c'est plus ça que ça rajoute et non des scènes de parlage. Ça devait faire un film qui allait plus vite quand même un peu, tu sais. Beaucoup. Je sais pas. Non. Mais on n'a pas eu l'opinion de Seb en long. Oui. Non, mais c'est correct. C'est vraiment intéressant cette pause-là. Mais ce truc-là de sein, écoute, je pense que le premier film, je pense que c'est vraiment l'effet du montage du deuxième, comme tu parlais, qui doit donner ce feeling-là, parce que dans le premier, moi, j'ai vraiment juste eu l'impression que c'était comme, on monte des tatons, tu sais, là, les filles, on les a passées en audition, puis c'est enlève ton top, parce que si t'enlèves pas ton top, t'es pas dans le film, là, tu sais, c'était ce feeling-là que ça me donnait. Puis j'étais pas émoustillé par ça. Dans d'autres films, je le suis, mais dans celui-là, c'est pas parce que je voulais pas, là, c'est parce que je l'étais juste pas. T'sais, dans d'autres films du genre, je peux l'être, mais ceux-là, non. Ben, je pense pas que celui-là, c'était le but de tes moustiers non plus. Là. Non, parce que c'est toutes des victimes, dans le fond. Là, mais t'es obnubilé par la beauté du Père Noël, toi, de toute façon. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est vrai, là. Billy. Billy. Je vais rêver à Billy. Mais de toute façon, écoute, mon opinion, comme je disais, ça ressemble pas mal à Jeff. Moi aussi, j'ai trouvé aussi que c'était weird d'avoir un setup après 45 minutes dans le présent avec ses collègues de bureau puis tout ça. Puis là, on te présente tout ce beau monde-là, puis « Ah, il en reste plus après 10 minutes. » Là, tu fais comme « Tu t'en vas où, là? » OK, fait que là, OK, fait qu'on va suivre du monde random. Bon, ben, OK, c'est bon. Je sais pas s'il serait... Tu te dis, tu sais, d'habitude, tu te serais attendu à, je sais pas moi, une Final Girl. Bon, finalement, il y en a une, mais en tout cas, peu importe. Mais, tu sais, il y a quand même quelqu'un de son passé qui suit tout le long. Mais, c'est ça, après ça, il n'y a comme plus rien pour m'accrocher. Je suis juste comme, OK, fait que là, je vais regarder des meurtres jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il se fasse tuer. En me disant tout le temps, c'est qui, lui? C'est qui, elle? C'est ça, parce que jusqu'au temps qu'il retourne chez les nonnes, le monde qui tue entre le magasin de jouets et là, c'est n'importe quoi, là, tu sais. Random même si on tout le temps une petite scène d'introduction, t'es comme, je suis supposé de les connaître ou... Non, ok, c'est pas eux, ils me les présentent pour qu'ils les tuent après. Bon. Parce que moi, je l'aimais son boss, là, puis j'aimais ce monde-là, cette petite dynamique-là de... Mm-hmm. C'était très cliché, là, mais j'aimais ça quand même, tu sais. Ouais, quand on regarde Shitface. Ouais. Mais non, donc, c'est ça. Ça résume pas mal mon opinion. Alors, on va y aller avec vos recommandations. Vicky? Ben, comme je dis, si le podcast Les Oubliettes le publie sur oubliettes.tv, je sais pas trop, totalement. Moi, je trouve que ça vaut la peine de prendre le temps de le regarder. Steven? Moi, j'irais avec un achat. Si vous êtes fan du style un peu, vous avez eu un peu une idée de qu'est-ce que le film était. Puis il est 9,99 pour le premier puis le deuxième dans un petit boîtier combo. Je trouve que c'est quand même assez abordable. Ouais. Puis ça fait pas honte dans une collection, en tout cas pour ma part. Comme je dis, c'est un film d'horreur de Noël que j'aime se revoir à chaque année. Puis je considère que c'est vraiment du fun pareil. Là. Et toi, Jeff? J'hésite, parce que là, tu dis, Steven, que c'est pas cher, c'est vrai. C'est le Blu-ray, ça, qui est à 9,99? Le DVD. OK. Ben, ça peut valoir la peine, sinon j'aurais été pour une location, ou même genre à TV, une diffusion à TV, regardez la TV, ça se fait plus vraiment, mais en tout cas. N'oubliez pas TV! S'il était sur Netflix ou quelque chose du genre, tu sais. Mais peut-être pas un achat tant que ça, là, mais 9,99 c'est pas cher non plus. Fait que si vous êtes vraiment fan de films d'horreur, de slasher des années 80, c'est sûr que c'est vraiment pas le pire, tu sais. Pour moi, en tout cas, j'ai pas mal plus aimé ça que Pieces. Là. Mais durant la pause, je vais juste rajouter que durant la pause, ça pourra pas avec mon opinion, durant la pause du magasin de jouets, je regardais beaucoup les jouets, puis il y avait des jouets de Jabba the Hutt, une sorte d'affaire tripante. Je me dis, ça va être un... C'est un collectionneur de jouets des années 80 doit triper en regardant ce film-là, puis en regardant tous les jouets qui étaient à ses étagères. Ben pour moi, c'est sûr que le coffret à 10$, je pense que pour un fan du genre slasher des années 80, ça vaut vraiment la peine. Mais sinon, regardez-le quand même pour la curiosité, ça reste un classique. Puis il y a une couple de scènes que vous allez sûrement apprécier, mais j'irai pas mettre un collecteur là-dessus ou quoi que ce soit. Là, c'est à regarder par curiosité seulement. Alors, ça terminerait notre segment sur Silent Night, Deadly Night. Et j'avais proposé qu'on y aille avec la chanson, justement, humoristique de Weird Al Yankovic, qui s'appelle « The Night Santa Went Crazy ». Et on se rejoint après pour notre opinion sur Krampus. All the elves were making toys for the good Gentile girls and the good Gentile boys. When the boss busted in, nearly scared him half to death. Had a rifle in his hands and cheap whiskey on his breath. From his beard to his boots, he was covered with ammo. Like a big, fat, drunk, disgruntled Yuletide Rambo. And he smiled as he said, with a twinkle in his eye, Merry Christmas to all, now you're all gonna die. The night Santa went crazy. shop is gone now. He decided to bomb it. Everywhere you'll find pieces of Cupid and Comet. And he tied up his helpers, and he held the elves hostage. And he ground up poor Rudolph into reindeer sausage. He got Dancer and Prancer with an old German Luger, and he slashed up Dasher just like Freddy Krueger. And he picked up a flamethrower and a barbecue blitzer. And he took a big bite and said it tastes just like chicken. The night Santa went crazy. The night Kris Kringle went nuts. Now you can't hardly walk around the North Pole without stepping in reindeer guts. There's the National Guard and the FBI. There's a van. Such a jolly guy. Yes, Virginia, now Santa's doing time in a federal prison for his infamous crime. Hey, little friend, now don't you cry no more tears. He'll be out with good behavior in 700 more years. But now Vixen's in therapy and Donner's still nervous. And the elves all got jobs working for the postal service. And they say Mrs. Claus, she's on the phone every night with a lawyer negotiating the movie rights. They talk about the night Santa went crazy, the night St. Nicholas flipped, broke his back for some milk and cookies. Sounds to me like he was tired of getting chipped. Bien, nous revoici pour notre deuxième film de la soirée du spécial Noël. On y va avec Krampus, un film réalisé par Michael Dougherty qui a fait Trick or Treat. Et ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui se nomme Max et de sa famille qui se prépare à fêter le jour de Noël dans pas trop longtemps. Et les choses se déroulent pas super bien. Comme à chaque année, Max souhaite avoir un Noël parfait et harmonieux. Mais les choses, encore une fois, se déroulent vraiment pas bien, ce qui va faire en sorte qu'il va perdre totalement espoir en l'esprit de Noël. Il va décider de déchirer sa fameuse lettre qu'il avait écrite avec ses souhaits importants pour passer un des plus beaux Noëls et les pitcher en travers la fenêtre. Les lancer à travers la fenêtre. Ce qui va faire appel à un démon de Noël du nom de Krampus. C'est comme le mauvais Père Noël qui vient s'occuper des personnes qui ont perdu la foi envers Noël et essayer de leur donner une bonne leçon avec leurs souhaits qui sont pas toujours bien appréciés. Et à noter que Krampus n'est pas, ne veut pas dire avoir des crampes et des puces en même temps. C'était un joke de sous François Pérus ou de François Pérus sous est une gracieuseté de la fin du monde. Hey Jeff, on te trouvait silencieux, puis je pense que tu devrais rester silencieux. Ah, c'est drôle. Ton commentaire est plus drôle. Non, Jeff, on respecte ton opinion et tu peux nous la communiquer. Y a-tu juste moi qui appelle Jeff griché? Ouais. Je griche? Non, juste Steven. Non, c'est un grinche, c'est pas pareil. Ah, c'est ça. Ouais. J'ai-tu le grinché de Noël? Alors, mon opinion. Je suis un gros fan de Trick or Treat. On avait fait un épisode sur le bras de fer des films là-dessus, moi puis Steven, puis je suis un fan de Trick or Treat. J'avais confiance dans le réalisateur, puis j'avais écouté il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être une couple de mois, d'entrevue, c'était de Movie Crypt ou quelque chose comme ça, un podcast qui faisait une entrevue avec Michael Dougherty, puis qui parlait de son projet de Krampus et tout ça, puis je trouvais que le gars, il connaît son affaire, c'est intéressant, tout ça. Mais le trailer me l'avait pas vendu, comme je disais à Steven en privé. Je dis, je sais pas, je suis pas vraiment... Le trailer joue sur différents tons, autant la comédie de famille de Noël, puis le film d'horreur, puis j'étais comme, je sais pas trop où ça s'en va. Je suis pas trop intéressé à le voir nécessairement au cinéma, puis finalement, on a décidé de faire l'épisode là-dessus, puis qu'on était tout un petit peu forcés d'y aller. Oui, puis je sais qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la gang, puis elle vient de le dire, que elle vient de se manifester, qu'elle tentait pas trop d'aller voir le film. Mais... c'est quand même bien comme film, je trouve. J'ai beaucoup aimé la scène d'intro, le générique qui se passe sur le Black Friday, tout ça. C'est vraiment intéressant, cette petite passe-là, le côté très... monétaire. Consommateur, monétaire, je consumérisme, c'est pas vraiment un mot, je pense. On est plus l'esprit de Noël et tout ça. C'est ça. Puis moi, ce qui m'a vraiment plu au départ, c'est la dynamique de famille. Puis je vais dire un gros blasphème, là, mais je trouvais que cette famille-là, puis la famille qu'ils reçoivent, ça aurait fait un film beaucoup plus intéressant que Le Sapin des Boules pour moi. Je trouvais que c'était vraiment une gang tripante. Puis, tu sais, il y avait un remplaçant de Dennis Quaid avec le gros redneck, là, tu sais, je trouvais qu'il fait un Dennis Quaid de remplacement. Mais sinon, c'est ça, t'as cette gang-là, puis... les deux sœurs ensemble, Toni Collette puis l'autre femme qui fait sa sœur, cette relation-là, je voulais en savoir plus. Puis à un moment donné, ils sont tous les deux à côté du sapin, à regarder une photo. Puis tu sais, la sœur a dit à Toni Collette, « Ah, oh, t'as gardé des souvenirs de maman, puis tout. » Puis oui, j'aime cette dynamique-là. C'est super simple, puis j'adore ça. Puis c'est ça, les deux petites filles qui sont élevées comme des garçons, le petit garçon par rapport à son cousin, à ses cousins-cousines, tu sais, puis sa relation avec sa sœur. Oui, sa relation avec sa sœur, tout ça m'intéressait. Puis j'aurais quasiment pris un film de ça sans l'horreur, moi personnellement. T'sais. Je dis pas que l'horreur c'est pas bon, là, j'y viens, là, mais j'aurais pris ça. Puis ben c'est ça, j'ai bien aimé l'introduction du Krampus. À un moment donné, quand on le voit sur les toits, tout ça, j'ai trouvé que c'était très réussi comme intro. Dans l'ensemble, dans le film, les effets spéciaux, c'est excellent. C'est vraiment le gros point du film. C'est de Weta, la gang de Peter Jackson, tout ça qui fait des effets spéciaux. C'est réussi à mort, je trouve. Le mélange de CGI et de pratique, d'effets pratiques, je trouve que ça marche à fond. Les créatures qui viennent avec le Krampus sont vraiment tripantes. Le Jack in the Box est super tripant. Je trouvais ça bizarre. Je trouvais ça drôle un peu qu'il y ait une bouche comme le prédateur, mais en tout cas, c'est pas grave. Là. Je trouvais que c'était pas si original que ça, mais je trouvais ça intéressant. Puis les petits bonhommes en pain d'épices, puis tout ça, je trouvais ça le fun. Je trouve que le film, son déroulement est assez classique. Je dirais pas que c'est prévisible nécessairement parce que la fin nous arrive avec une sorte de double surprise, si on veut. Mais dans l'ensemble, le rythme, la manière que les choses se déroulent, c'est assez classique, tu sais, avec la petite vieille qui a une histoire à raconter, une légende, tu sais, toutes les affaires, le déroulement. On a vu ça un million de fois dans des films, mais c'est quand même fait de manière relativement assez originale puis le fun. Il me semblait que j'avais plus de trucs négatifs. Là. J'essaie de regarder mes notes en même temps. Puis comme, il me semble que je voulais arriver et dire que j'ai plus ou moins trippé. Mais finalement, tout ce que je dis, c'est positif. Mais c'est ça, moi, c'est ben, la fin. On en parlera plus tard, c'est vrai. La section spoiler. Le conte. Oui, le conte de la petite vieille en animation. Oui. Ça, j'ai trouvé ça super beau visuellement. Très réussi comme idée. Qu'est-ce que j'ai dit aussi? Tout, ça c'est la fin. Ok, ben, j'ai juste des notes sur la fin. Mais non, c'est ça. En général, finalement, je pense que j'ai plus aimé ça que je pensais. Mais, c'est un film que je dirais aux gens qui aiment les films d'horreur d'aller voir. Je pense que ça vaut la peine. Je pense pas que je vais le revoir nécessairement ou à chaque année ou quoi que ce soit. Je pense pas que ça va donner une tradition. Puis je pense que contrairement à Steven, c'est vraiment pas une attaque là, quoi que ce soit, mais je suis pas vraiment intéressé par un film d'horreur de Noël. T'sais, je cherche pas ça personnellement. Fait que je suis pas. Je cherche pas cette tradition-là. Tu cherches pas un film d'horreur pour chacune des fêtes de l'année. Hein. Non, tu sais, à Noël, j'aime bien mon Die Hard, mon film d'action, mais tu sais, le film d'horreur, plus ou moins, je suis pas vraiment... je vais regarder ça à l'Halloween ou à n'importe quelle autre période de l'année, mais je suis pas... À Noël, non, pas vraiment. Mais c'est bien, je trouve ça bien pour un petit film qui a coûté combien, Steven? Je pense qu'il a coûté comme quelque chose comme 32 millions ou de quoi de même. Puis le premier week-end, il avait déjà battu son record, il était comme numéro 2. Ouais, il y a eu un bon départ. Moi, je l'ai vu dans l'après-midi, puis il y avait 5 personnes dans la salle, incluant moi. Mais non, je pense que ça marche bien quand même. Puis Plus j'ai été quand même agréablement surpris parce que c'est plus intéressant que ce que je pensais. Mais j'essaie de me demander si le ton fonctionne bien dans le film parce qu'on je pense que oui, en général, tu sais, le mélange de l'histoire familiale puis de films d'horreur, on bascule vraiment à un moment donné. Il y a vraiment une bascule qui se fait. Puis c'est peut-être pas si adroit que ça, c'est peut-être un petit peu maladroit. Mais ça prend peut-être un petit moment avant qu'on embarque vraiment dans le côté horreur en se disant « Ok, là, je viens de lâcher le film familial, saper à des boules pour quelque chose de plus horreur. » C'est peut-être pas si bien fait que ça aurait pu être fait, mais donc, dans l'ensemble, en général, ça fonctionne bien. Puis on reparlera de la fin tantôt. Il y a plein de choses à dire là-dessus, je pense. Ouais. Sur les dernières 20 minutes, puis même la fin, là, tu sais. Oui, oh, les trois dernières. Je vais aussi parler s'il y a d'autres choses qui viennent. Ouais, c'est ça. S'il y a d'autres choses qui viennent, je le dirai. Yes. Ben, je vais continuer. Puis, Colin, à soir, Jeff, toi puis moi, on est... c'est chamé. Parce que moi aussi, la première partie... Ben oui, c'est ça. La première partie, moi aussi, j'ai vu un Christmas Vacation là-dedans. L'absurdité dans le tapis. Là. Mais oui, c'était vraiment ça. Je reconnaissais le pattern, le beau-frère Colomb avec son gros pick-up. Puis, tu sais... J'ai un gros 12 avec une lampe de poche dessus, puis let's go. Ça commence vraiment collant, ils ont oublié le bébé dans le truck, là. Oh oui, par ils ont oublié le bébé dans le truck qui a la couche pleine, qui pue, c'est le truck qui pue apparemment. Puis oui, c'est vrai que cet acteur-là, dont j'oublie le nom, serait un bon remplaçant pour Dennis Quaid dans un futur remake, ou peu importe. Mais puis moi, ça m'a fait penser, ça m'a fait quand même... Attendez que je vérifie. Là. Non, OK. Il n'y a personne de ma... On dit Dennis, c'est Randy. Randy Quaid. Randy, c'est vrai. C'est... Ouais, t'as raison. On dit Dennis depuis tantôt. Mais moi, ça m'a fait penser un peu à mes Noëls. Là, parce que moi, mes parents, ma mère, elle a genre 11 frères et sœurs. Là, fait que des oncles, des tantes, là, puis des cousins que j'avais plus ou moins de goût, là, ça m'arrivait à tous les années. Puis là, je dis ça parce que je sais qu'il n'y en a pas un qui écoute ce que je fais. Mais c'était ça, là, moi, mes Noëls. C'était genre pas encore le party de famille où il va falloir que je fasse semblant d'avoir du fun avec ce monde-là. Fait que le petit bonhomme, là, c'était moi. Là, je me reconnaissais là-dedans. Fait que déjà là, ça, je tripais. Fait que j'étais comme pas pressé à ce que l'horreur embarque. J'en prenais de ça, puis je m'amusais bien gros avec ça. Puis quand l'horreur a embarqué, tu l'as dit, la première séquence avec le Krampus sur les toits de maison, puis même le côté, coudon, c'est-tu l'apocalypse, là? Parce qu'on dirait qu'il n'y a plus personne de vivant dans le quartier. Là. Ça a l'air d'être... c'est sans issue. Là. Déjà là, t'es comme, fuck, OK, je pensais pas que ça allait être aussi éveillé que ça, côté danger. J'ai trouvé ça solide. J'aurais aimé ça, par exemple, que cette première séquence d'horreur-là soit vraiment une coche au-dessus, pour qu'elle nous mette un paf d'en face, puis qu'après ça, les autres séquences d'horreur qui sont semi-drôles, semi-effrayantes, fonctionnent mieux, parce qu'on aurait comme tout le temps eu en tête la première séquence d'horreur qui a été beaucoup plus solide. Mais sinon, moi, j'ai eu en général l'impression dans ce film-là que chacun des petits éléments dans la légende de Krampus, ou en tout cas les autres créatures, aurait fait en tant que tel des super bonnes petites histoires. Fait que moi, j'aurais vu un trick or treat de Noël avec chacun de ces petits monstres-là. Parce qu'il était carrément chacun différent. Là, t'avais les petits bonhommes en pain d'épices qui sont super drôles. Là. T'avais les lutins qui étaient vraiment creepy. Mais qui, malheureusement, pour une raison que j'ignore, quand on les voit quand ils rentrent dans la maison, quelle scène mal éclairée et mal tournée, mal montée. On voit absolument rien de ce qui se passe. On comprend c'est quoi qui s'est passé, mais... Moi, c'est pas intéressant à regarder. Je l'ai pas vu à la même place que toi, évidemment, puis la copie était très sombre aussi du film. Je sais pas pourquoi. Puis c'était pas 3D, rien. Souvent, la 3D va rendre un film plus sombre, mais c'était pas 3D. C'était... Exact. Puis ça m'a vraiment gossé, parce qu'il y a eu certains moments dans le film où j'ai trouvé que l'éclairage faisait vraiment défaut. Parce que moi, pourtant, la première fois qu'on voit le Jack in the Box en dessous du truck où la fille s'est réfugiée, je voyais pas la face du Jack in the Box. Là, Non, j'étais comme... Il y a quelque chose qui sort, plus un nom. Puis pourtant, quand tu finis par voir toutes ces créatures-là comme il faut plus tard, tu te rends compte qu'ils sont vraiment superbes, les super bien faites. Donc, à ces moments-là, quand on les voyait pas bien, j'avais pas l'impression que c'était « je vais vous les cacher pour pas bien vous les montrer pour que ça fasse plus peur ». J'avais juste l'impression que c'était comme « comment, montre-moi-les, là ». C'est pas intéressant, là. Tu me montres des affaires qui passent vite, puis du gros cafouillage, puis c'est pas le trippant, tu sais. Mais c'est ça, ces créatures-là étaient vraiment tripantes. J'aurais pris une petite histoire, j'aurais pris un trick or treat de Noël avec chacune de ces petites créatures-là. Le Jack in the Box était vraiment très très cool. Le genre d'ange, là, oui. qui ouais. creep à souhait, là, tu sais. Mais c'est ça. Donc, en général, j'ai vraiment aimé ce film-là. Ça sera pas un classique de Noël non plus. Mais il y a une rupture de ton en plein milieu qui fait en sorte que si tu t'es emmerdé au début, tu vas être content que ça arrive. Mais peut-être que ça va être trop peu trop tard. Puis j'ai l'impression que pour peut-être plusieurs fans d'horreur qui s'attendent à un film vraiment effrayant, la première partie va vraiment les emmerder solide. Oui. Ou sinon, si tu t'amuses à la première partie, la deuxième va être comme un genre de oh, OK, on tombe dans l'horreur à fond, là, tu sais, puis il aurait peut-être pu avoir un meilleur ballon là-dedans, là, quitte à voir des trucs arriver chez les voisins ou je sais pas. Mais somme toute, non, j'ai quand même apprécié mon campus. Ce Vicky? Que j'aime, ah, oui, je veux juste continuer une petite affaire, ça me fait penser aussi, puis que les personnages que j'aime aussi, c'est qu'ils ont continué d'évoluer tout au long du film, parce qu'au début, on nous présente cette famille-là qui arrive comme un gros cliché, comme dans Le Sapin des Bois, justement dans Christmas Vacation, puis ils évoluent au long du film, puis on se rend compte que chacun des personnages a une raison d'être comment est-ce qu'il est, tu sais. Pourquoi est-ce que la celui qui parle pas. Ouais, mais pourquoi la tante, elle aime, tu sais, pourquoi elle est comme allée parce qu'elle aime pas les enfants, ou que, tu sais, le redneck, il est pas si con que ça non plus, puis ils ont toute une raison d'être comme ils sont, puis ils sont quand même intéressants pour ça. Yes. Puis pendant que j'y pense, une autre affaire aussi, le conte que je disais, c'est vraiment très très réussi, puis il y a un parallèle à faire aussi. Je pense que Michael Dougherty excelle beaucoup là-dedans à raconter des histoires, parce que le conte que la grand-mère raconte, c'est un peu comme l'histoire de l'autobus rempli d'enfants dans Trick or Treat. C'est pour ça que je trouve qu'il est vraiment beau. Il y a un moment dans Trick or Treat qui est vraiment trippant. Hein. Oui, oui. Mais c'est vrai, t'as raison, quand il fait ce genre de façon de raconter, il l'a bien. Oui. Est-ce que, Biggie? C'est beau, vas-y. Ouais. Non. Moi, pour ma critique, je vais y aller en mathématiques. Bon, je me suis amusé pendant 3 minutes. Je me suis emmerdé pendant 45 minutes. J'ai stressé pendant 12 minutes. J'ai frustré pendant 20 minutes. Puis le reste du film m'a mis en crise. C'est vraiment le résultat de Krampus. Ça n'a pas marché pantoute dans mon cas, mais pas pantoute. Déjà, tu n'avais vraiment pas envie d'y aller en plus. En plus, mais quand ça a commencé les 3 minutes, j'ai fait « Ah, yes, les gars, c'est correct, c'est cool. » Parce que, pour vous mettre en contexte les auditeurs, j'avais pas envie d'y aller. Puis j'étais pas censé avoir le temps d'y aller. Puis là, il y a un soir que l'activité que j'avais prévue a été annulée. Fait que je dis, bon, ben, c'est ce soir ou jamais. Puis là, les gars disent, vas-y, ça va être bien plus le fun. Si tout le monde peut critiquer. Ben, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, je suis là pour la voix de la raison. La voix de la raison. La voix de la raison. La fille qui a tout le temps 3 bouteilles de vin dans le corps, ça marche pas. Une chance que je suis allée le voir pour remettre les pendules à l'heure. Steven, il était en juste de pouvoir répliquer depuis tantôt. Ah, j'ai hâte. C'est mon moment, ça peut avoir de rien dire. En fait, ce qui est arrivé, c'est que quand le film a commencé, comme les gars, j'ai adoré les premiers 3 minutes, fait que je me suis détendue, j'ai dit, oh, c'est correct, ça va bien aller, ça va être le fun. Mais là, plus le film avançait, plus je m'emmerdais. Vous voyez des personnages de Le Sapin des Boules? Oui, je les vois. Mais je les trouve clichés parce que mal exploités. Donc, on demeure en surface. Donc, on demeure dans les cas types. Au lieu d'être des personnages en profondeur, on demeure dans le cas type. À maintenant, on en vient toutes les mélanger. Là, tu fais, c'est lequel qui est mort déjà? Parce que ça, c'est un autre gros problème du film. Les morts, on s'en fout. Le monde, il meurt, puis on fait même pas d'arrêt pour faire, ben, c'est donc bien triste, cette personne-là est morte. À un moment donné, on les enchaîne, puis on est comme, mais oui, mais on peut-tu, tu sais, comme être triste? Il y a une mère, il y a un bébé, il y a un autre enfant qui vient de passer par la cheminée. On peut-tu le vivre? Mais on le vit jamais. J'aimerais faire un parallèle avec le film, je le connais juste en français, là, c'est Brume. Tu sais, ça se passe dans un centre commercial, une épicerie, là, ouais, de mist. Puis, je dis toujours de Fog, mais c'est pas le même film, fait que c'est pour ça. De mist, c'est ça. Puis, je trouve que dans The Mist, justement, quand quelqu'un disparaît, meurt, on prend un temps d'arrêt, on s'est attaché. Je trouve que là, quand la tante, justement, meurt, ben, tu le vois qu'elle va mourir. Tu fais comme, ben, check, ça va être là, ça passe. Et voilà, c'est là, ça passe. Je trouve que le film est tellement dirigé, trop écrit. C'est trop écrit, fait que je le vois. Oui, c'est bien fait. Le monstre est bien fait, mais moi, je suis pas une fille qui aime les films de monstres. Je suis plus une fille de slasheuse, comme le premier film de tantôt, que celui-là. Fait que oui, par exemple, pour dire qu'il est bien fait, puis les créatures sont bien faites, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je trouve que, comme, comme Jeff il disait, ça aurait été le fun à la forme trick or treat, parce que quand on arrive au conte en dessin animé, j'ai l'impression, c'est ça, parce que j'ai l'impression que le conte en dessin animé, moi, il m'a créé une rupture de ton. Je l'ai trouvé super beau, super le fun, mais dans le reste et dans l'ensemble du film, j'avais juste l'impression que c'était le réalisateur qui me tapait sur l'épaule en disant « Ah ah, on est bon, hein? Ah ah, t'as-tu vu comment qu'on est edgy? On met de l'animation au travers de notre film? Ouh, on a eu une bonne idée! » Alors que dans un trick or treat, ben, tu t'attends à ces ruptures de ton-là, puis tu t'attends à différentes formes pour mettre en scène un récit. Puis là, je ne l'ai pas eu, mais pas du tout. J'avais une autre note. Oui, c'est justement que chaque bord, ben, on s'en fout. On nous crée une belle famille, mais on se fout de la manière qui meurt. T'sais. Même qu'à un moment donné, j'aurais préféré qu'elle meure avec la guirlande autour du cou. Comme ça, on aurait eu deux personnes dans le même segment d'Horror Gamer qui seraient mortes avec une guirlande de Noël autour du cou. Mais non, elle s'en sort vivante, malheureusement. Et la scène dans la maison, justement, quand ils réussissent à tout rentrer dans la maison, ça, c'est une question pour les trois, là. Il y a une grosse sirène qui retentit puis qui les empêche de tuer tout le monde. Why? Pourquoi? Hein? C'est Krampus. C'est le Krampus qui arrive. Ben oui, mais qu'est-ce que c'est Krampus qui arrive? Ben, kidnappez-les puis amenez-les à Krampus. Ben, j'imagine que c'est parce que Krampus fait juste lui dire « Ok, c'est moi qui arrive, puis tassez-vous de là. » Voilà, vous avez vu, il dit à ses créatures un peu « Vous avez eu votre fun, fait que là, c'est à mon tour. » Ah, ok, ouais, ok. C'est même que j'ai vu ça. Mais c'est plein de moments comme ça qu'à la fin, je me dis « Vicky, arrête de l'analyser, parce que plus tu l'analyses, plus toi, tu t'enfonces dans le film. » Mais à un moment donné, j'étais comme plus capable. J'étais over. Ça marchait pas. Il y a plein de questions sans réponse, des morts qui arrivent trop subitement, puis que je trouve qu'on s'attache trop au personnage pour que, justement, il meure de façon subite et facile comme ça, puis qu'on n'ait pas de peine. Je trouve que ça cachait quelque chose. Mais je t'interromps là-dessus, Vicky, puis je demande l'opinion aux deux autres gars. Moi, j'ai pas vu des morts. J'ai vu des enlèvements. Pareil. Mais c'est ça. J'ai pas vu des morts en tant que tel. Mais c'est ça qui me décevait. Je n'ai vu que des enlèvements. Ouais, la première, j'étais pas sûr. Puis les autres, je pensais que c'était des enlèvements parce qu'on voyait les corps dans le corps du Jack in the Box. Fait que tu sais, je me disais, ils sont peut-être encore en vie. Tandis que la première, j'étais comme pas sûr. J'ai vu le film deux fois. Puis la deuxième fois, tu l'écoutes. La première, tu le caches encore plus qu'elle meurt pas. Mm-hmm. Ça paraît finalement. Mais je comprends que c'est des enlèvements, mais je trouve que justement. C'est qu'à un certain moment donné, j'étais comme, ben, ça va pas finir de même. T'sais, ça va m'amener à... C'est pour ça que je te dis, c'est très, très écrit. Parce que tu te dis, bon, ben, il meurt pas. Là, au début, je me dis, peut-être qu'il s'en prend juste aux enfants. Là, finalement, non. Tu sais, tu te dis, bon, ben, il y a personne qui meurt. Fait que c'est sûr qu'il va avoir une belle fin cute. Il y a personne qui meurt. On va en parler tantôt de la fin, mais je trouvais que ça fonctionnait pas. Moi, ça fonctionnait pas. Qu'il se fasse enlever ou qu'il se fasse tuer, ça fonctionnait pas. Je trouvais qu'on n'avait pas assez de drame quand on perdait quelqu'un. Mais je pense que, comme vous dites, il est meilleur probablement Michael Dougherty dans les petites histoires, dans raconter des petites histoires, puis il est meilleur dans les films à sketch peut-être que dans le long métrage. Pour le long métrage, il a utilisé une structure très convenue, très traditionnelle. Puis une structure convenue dans un film à sketch, ça fonctionne parce que tu l'acceptes que ton sketch soit convenu, parce que tu veux juste une histoire, un setting, un petit revirement, puis merci, bonsoir. Ouais. En fait, tu vois tous les trucs arriver un petit peu d'avance. T'sais. Même si tu sais pas exactement comment ça va se passer, tu les vois arriver d'avance dans celui-là. T'sais. Mais je suis pas d'accord pour les personnages parce que je me suis intéressé aux autres, puis jamais les acteurs, puis en tout cas... Mais, ça, mais quand il tombe dans la neige, tu fais comme « Ah ouais, c'est le même qui s'en va, lui? » Ouais. Et quand la chance, ça passe par la fenêtre, tu dis « Ah ouais, c'est le même qui s'en va, elle? » Mais en même temps, dans la vraie vie, tu combats un monstre, ça n'arrive pas, là, mais en tout cas, tu te ramasserais une situation de même, tu peux mourir ou disparaître d'une minute à l'autre sans que tu aies une grosse fin héroïque, là, tu sais. Ça peut être complètement... voyons, c'est quoi le mot? En tout cas, peu importe. Sur le coup, sur le vif, imprévisible. Ouais, c'est ça, mais t'sais, c'est ça. T'sais, ça peut arriver n'importe comment. Anodin. Pis... Anodin, ouais. Mm-hmm. Mais bon, on va y aller avec Steven avant qu'il craque les murs. Anticlimatique. Ouais. Anticlimatique. Hein, c'est fini, Vicky? Mais vas-y, Steven. Et ouais, Steven, vas-y, déverse. Déverse ton ciel. Je vais commencer par dire que c'est... De nos jours, moi, je trouve que c'est crissement difficile de trouver un nouveau classique de Noël. La plupart des films de Noël tentent tellement de se démarquer des vieux classiques, ils essaient d'être plus original, plus moderne, d'incorporer des nouvelles choses pour que ça soit comme le nouveau classique, puis ça arrive pas. Je préfère tout le temps revoir les mêmes classiques à chaque année, parce que les nouveaux, j'embarque pas, j'aime pas ça. Krampus, le réalisateur opte pour une formule classique. J'ai commencé le film, puis vous êtes pas tout seul les gars, j'ai vu le sapin et des boules. Le réalisateur choisit une structure classiques avec des personnages plus classiques. Et ça me fait du bien parce qu'on n'en a plus des films de même. Puis je suis comme, amenez-en des films de Noël qui me rappellent justement mes vieux classiques puis qui tentent d'y aller avec la simplicité. Puis pas besoin d'aller dans le complexe puis ces choses-là. Puis ce qui est le fun, c'est que Krampus, à la base, ça a rapport avec un monstre qui vient punir les personnes qui ont perdu l'esprit de Noël. Fait que ça aurait pu être un film où ça serait juste comme anti-Noël, dépendant du réalisateur qui l'aurait fait. Et là, je trouve que le réalisateur profite de ce sujet-là pour mettre le doigt sur le bobo, le problème d'aujourd'hui. Pourquoi Noël, c'est plus comme avant, comme quand j'étais jeune? Je trouve que ça a changé, puis c'est vrai. Puis la première scène d'intro, vous l'avez dit, avec le Black Friday, ça critique ça. Tu vois toutes les expressions du monde qui sont toutes décrissées de la vie à la caisse, payer l'argent. Noël, c'est plus pareil. Et ça fait juste montrer à quel point qu'on est devenu des consommateurs, puis l'esprit de Noël, on s'en fout, on veut juste des cadeaux. Et ce qui est fun dans ce film-là, c'est que les vraies vedettes, les seules personnes qui ont encore l'esprit de Noël, c'est les enfants. Puis c'est ça qui nous montre un peu le film, parce que Noël, c'est ça, c'est inventé pour les enfants. À qui qu'on est supposé faire plaisir puis essayer de rendre ça magique? Les enfants. Mais qu'est-ce qui arrive dans le film? C'est tous les adultes qui détruisent à chaque fois la vision de Noël des enfants, que ce soit dans le flashback avec la grand-mère. Encore une fois, c'est son entourage qui va faire perdre la foi en Noël. Max, c'est la même affaire. Il veut avoir un beau Noël comme nous autres. Il veut écouter Charlie Brown de Noël avec sa famille. Mais eux, ils veulent rien savoir. Ils sont trop occupés à parler au téléphone pour X raisons, aller acheter des cadeaux, faire ci ou ça. Enfin, c'est à cause d'eux que Max va perdre foi en Noël. Et c'est un gros problème qu'on donne nos jours. Et je trouve ça plate. Puis moi, c'est quelque chose que je veux pas faire à mon gars. Je veux faire en sorte qu'il va passer un beau Noël. Je veux qu'il passe un Noël comme j'en avais quand j'étais jeune. Je vais m'asseoir avec lui. Puis moi, je vais l'écouter de maudit Charlie Brown, sa TV. Puis j'aurai du plaisir à l'écouter avec lui. Et là-dessus, je trouve que Krampus fait une très bonne job. Je trouve que le réalisateur montre les bobos puis qu'est-ce que le monde devrait faire, puis se rappeler que Noël, c'est pas pour des cadeaux, c'est pour les enfants. Et en même temps, il y en a qui trouvaient que le ton du film était maladroit, que c'était pas assez horreur, puis que c'était trop comédie. Moi, je le dis tout de suite, Krampus, c'est un film familial. C'est un film d'horreur familial comme on pouvait en avoir avec Gremlins. C'est pas Trick or Treat. Trick or Treat est allé à fond de la caisse dans l'horreur. Krampus, il reste à un niveau où c'est un film que tu peux aller avec tes enfants au cinéma, puis qu'il y a des couilles. J'étais allé voir Goosebumps il n'y a pas longtemps. C'est un film qui est drôle du début jusqu'à la fin, et il n'a pas saisi l'occasion d'avoir des scènes effrayantes qui pourraient faire peur aux enfants, puis qui pourraient justement donner le thrill que j'avais quand j'étais jeune. Tu sais, t'écoutais Gremlins, c'était drôle, mais la scène avec le sapin puis la mère dans la cuisine, c'est un film qui me donnait la frousse. C'est une scène qui avait des couilles puis qui était sérieuse. Krampus fait la même affaire. On passe à une bonne comédie avec des petits moments de frousse qui ne vont jamais trop loin, et les moments plus couillus, dont la scène du grenier, je trouve que c'est là qu'il va venir un peu secouer les jeunes qui vont aller voir le film avec les parents. Puis j'ai vu des jeunes aller voir le film avec des parents quand j'étais allé, et je trouvais la réaction vraiment cool, puis je voyais qu'il y avait du plaisir. Ils riaient puis ils avaient peur en même temps. Et je trouve que c'est ça le genre de film familial qui manque de nos jours, surtout en termes d'horreur. Et je trouvais ça, la scène du grenier, pour moi, c'est une des meilleures scènes d'horreur que j'ai vues cette année. Elle a de l'impact, elle arrive comme un cheveu sur une soupe, c'est bang. On découvre plusieurs monstres en même temps, j'ai trouvé ça vraiment cool. Un autre point, ce que j'ai aimé, c'est que la première heure va peut-être paraître un petit peu longue, c'est un défaut que je pourrais reprocher au film, mais en tant que tel, je trouve qu'elle passe bien, parce que comme vous, j'ai aimé les personnages, j'aime tellement la mère, j'aime sa réaction à chaque fois que quelqu'un vient détruire son travail qu'elle a fait sur Noël, sa bouffe, tout le monde critique sa bouffe, sa décoration, c'est comme l'anti-famille de Noël, j'ai vraiment adoré ça, surtout la relation entre les deux sœurs, c'était vraiment cool. Mais une chose que j'ai vraiment... Ah, puis le père et son fils, moi j'adore le père. Le père et le fils, c'est vraiment drôle. La conversation qu'il y a dans la chambre après avoir eu la chicane à la table, là, le père va le voir, puis j'adore leur conversation, j'adore la chimie dans tout ça. Puis comme vous dites, c'est cliché, c'est classique comme on avait avant, mais justement, je me retrouve plus que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. C'était plus dans mon lien familial, puis mon Noël que j'avais quand j'étais jeune. Puis comme je disais, la première heure peut paraître longue, mais moi, je trouve pas, parce que j'aimais ça, puis je trouvais que le réalisateur préparait son horreur. On y est parti de dose. À coup de 10 minutes, il nous sortait une petite scène d'horreur. La première fois qu'on voit le Krampus, on ne le voit pas totalement, mais la scène, je trouve qu'elle a de l'impact, ça nous intrigue. Mais le point fort, c'est son ambiance. Toute la tempête qui se déroule alentour, l'isolement, on le sent, c'est un huis clos. Et une les des bonhommes plus de neige. C'est ça, j'allais dire, les bonhommes de neige, c'est une des plus belles idées du film, les bonhommes de neige qui se multiplient sans aucune raison. C'est full creepy, t'as même pas besoin de les faire fait bouger ou réagir, ils vont pas servir à grand chose au bout du compte, à part créer une bonne atmosphère. Puis à chaque fois que les petits gars regardaient par la fenêtre pour voir qu'est-ce que ça donnait, j'avais un peu la chienne de voir où est-ce que les bonhommes de neige sont rendus, est-ce qu'il va être devant la fenêtre, tout ça. C'est vraiment super génial, j'ai adoré ça. Et vous parlez aussi des effets spéciaux. Super bon mélange d'effets pratiques, effets CGI. Je pense qu'au moins le film, c'est 80% d'effets pratiques, 20% d'effets CGI, un peu comme à la Mad Max. Et ça vous montre à quel point que quand une équipe se donne, ben le CGI peut avoir une utilité puis peut bien paraître. Alors comme avant, j'ai trouvé que le CGI était raté ou pas utile. Même les bonhommes en peinture d'épices, j'ai adoré ça. Puis encore là, les bonhommes en peinture d'épices, ça me rappelait beaucoup les Gremlins. J'ai vraiment aimé leur chimie puis leur petit ricanement un peu démoniaque, surtout avec le lance-clou. Là, c'est une scène vraiment géniale. Puis je suis vraiment content aussi que ça s'enligne. Tu sais, Vicky a parlé qu'à un moment donné, tous les personnages tombent dans la neige puis qu'ils disparaissent tout de suite. Moi, je le voyais venir parce que la vraie vedette du film, c'est Max. Tout arrive à cause de Max puis tout doit se terminer avec Max, qui est joué par un jeune acteur que j'ai vraiment adoré. C'est la première fois que je le voyais puis je pense que c'est son premier rôle. Le jeune est vraiment talentueux puis vraiment attachant. Moi, je l'aimais. J'avais envie qu'il passe un beau Noël. Puis ça me faisait chier que ça tourne comme ça. Et toute la finale, moi, je l'ai trouvée excellente. J'ai adoré ça. Ça me rappelait quasiment à l'univers de Jim Henson. Ça me rappelle Labyrinthe, tu sais, la première scène d'intro dans Chambre à coucher, quand les petites goules viennent kidnapper le bébé. Je trouvais que les elfes avaient ce feeling-là avec les masques, les décors, tout ça, les effets d'éclairage de lumière pour les éclairs qui me rappelaient Légende de Ridley Scott, un autre film qui utilisait de manière brillante les effets pratiques. J'ai vraiment adoré ça. Puis la fin, on va pas en spoiler tout de suite, on a dit, mais moi, la fin, je l'ai adoré. Je trouvais que ça venait finir le film comme j'aurais voulu que ça se termine. Dans deux sens. Ça finissait dans un sens que je souhaitais que ça finisse, puis dans un autre sens aussi, même si ça me faisait de quoi. J'étais comme oh, non. Mais et aussi, on n'a pas parlé de la musique qui mélange brillamment musique de film et thème classique de chansons de Noël. Ça nous met encore plus dans l'ambiance de Noël. Avec le visuel du réalisateur Michael, ce gars-là, il est vraiment talentueux pour mettre en scène une atmosphère puis des monstres, du visuel. Ce gars-là, il a un sens inouï pour nous montrer un univers visuel. Puis vraiment, dans son film, là, j'imagine le storyboard, là, ça devait être écœurant, la préparation. Il a dû vraiment se donner à fond pour faire ça. Et vous en avez parlé aussi, la petite scène d'introduction pour raconter l'histoire de la grand-mère qui est touchante. J'étais à deux doigts de verser une larme. Je l'ai vu deux fois, puis les deux fois, j'étais sur le bord de pleurer. C'est vraiment triste. Le stop-motion qui rappelle Coraline, c'est super bien fait. J'ai pas trouvé que c'était prétentieux. Puis là, pour faire « voyez comme on est bon », c'est pour mettre un peu du stop-motion. Je trouvais que ça avait son utilité, puis on l'avait déjà vu dans Trick or Treat, fait que ça fit avec le style d'univers old school du réalisateur. Et en gros, c'est ça, je vais arrêter. Mais j'ai pas grand-chose de mauvais à dire. Sérieusement, j'ai peut-être ressenti au deuxième visionnage un mini petit problème de rythme dans la première heure que j'ai pareil adoré. Mais pour ma part, c'est un beau classique de Noël que je vais avoir du plaisir à revoir. Puis je pense qu'il va monter en qualité à force de le revoir. Il y a tout le temps des petits trucs que j'avais pas remarqué forcément. Et dernière chose aussi, la première apparition du Krampus par la cheminée où le réalisateur nous le dévoile, c'est important quand tu dévoiles ton monstre. Dans Predator 1, quand on veut voir le Predator, ça prend une bonne scène, puis la scène a de l'impact, mais le réalisateur, il n'a pas raté sa shot, il nous le présente sur tous les angles, il était écœurant, aucun CGI, fait en effet pratique, il est imposant, il est terrifiant. J'ai autant trippé sur ses acolytes, mais je peux pas dire que ses acolytes lui volent la vedette, parce que je trouvais que le Krampus, pareil, avait son côté imposant, puis on se disait pas « Ah, ouais, finalement, le Krampus est moins hot que le clown, qui va probablement marquer beaucoup plus 90% des gens, parce que un clown, ça marque tout le temps. Pour Poltergeist, tout ça, on est tout le temps marqué par ce genre de jouet-là démoniaque. Dans celui-là, ça fait pas exception, il était cœurant, mais je trouvais que le Krampus était autant réussi. Et c'est ça. Merci, Michael Dynasty, de me ramener un Noël classique qui m'est venu plus me toucher, qui est venu plus dans mes cordes à moi, puis que j'étais pas dans une esthétique comédie pour ados avec des jokes de drogue, de poudre, de pète, de sexe. Moi, je préfère mes jokes à la Sapin des Boules, puis on est revenu avec ça. Juste la petite photo de corde de famille quand la mère le regarde, puis qu'elle voit le Père Noël qui regarde le cul de sa fille. C'est qu'on a encore une photo ratée, je trouvais ça tordant. Non, vraiment, moi, j'ai adoré Krampus. Je pensais pas aimer ça tant que ça, parce que comme GF, la bande-annonce m'avait laissé un petit peu de froid, et c'est un bon exemple de le film est meilleur que la bande-annonce. Eh ben, écoute, Steven, j'ai défendu ton point, et... Non? Je pense que Je pense qu'on a quand même eu tous les éventails d'opinions sur ce film-là. Ah, Burst Slack, c'est le fun. Hey, vos recommandations? Bon, on va y aller dans l'autre. J'ai tout le temps de partir sur une chire un peu. Ben, j'ai une question malhonnête. J'ai une question malhonnête pour vous, surtout Steven puis Sébastien, parce que je me souviens pas pour toi, JS. Mais je vais l'expliquer après, mais je veux vraiment la poser. Pourquoi vous avez tant aimé cette famille-là, mais vous n'avez pas aimé tant que ça la famille dans Jurassic World? Je sais qu'elle m'a demandé ma question, mais moi, dans Jurassic World, j'avais aimé la scène d'introduction avec la famille. On est dans la maison avant qu'ils embarquent dans le taxi pour aller à Jurassic World. Après ça, on est à l'aéroport, puis tout. Puis de toutes les critiques que j'ai entendues, tout le monde n'aimait pas cette famille-là, n'aimait pas les scènes d'introduction dans leur maison dehors. Et moi, je me souviens que les gars, vous l'aviez trouvé un peu chiant. Ouais. Mais moi, ouais. Pour moi, j'ai préféré la famille dans Jurassic World, j'ai très préféré leur mise en place que eux. Expliquez-moi pourquoi vous préférez plus eux que ceux de Jurassic World. Écoute, comme je t'ai dit tantôt, moi, cette famille-là, j'ai revu mes Noëls de Noël avec cette famille-là. J'en ai des oncles colons avec des cousins que j'avais pas hâte de voir venir, puis que ça se rapprochait de ça. Puis, comparé à Jurassic World, cette famille-là avait des discussions vraiment intéressantes. La discussion entre les deux sœurs, comme Jeff a dit, était vraiment trippante. La discussion entre le père et le fils dans sa chambre, moi, cette discussion-là, c'était de la vérité, là, cette discussion-là. Moi, je m'excuse, dans Jurassic World, cette famille-là servait à mettre en place des flots, puis après ça, c'était des discussions du premier degré de « Comment ça se fait que t'es pas avec mes sœurs? » Puis « Hey, je suis en train de me séparer, puis papa et maman vont se séparer. » Tout le temps, dans des... Puis c'était jamais amené à des moments où ce que t'avais l'impression que c'était intéressant dans Jurassic World. C'était jamais amené à des moments où ce que tu voulais et les entendre parler de ça, t'étais juste comme, regarde, non, vous êtes en train de me montrer une histoire de bobite qui sauve, puis là, vous me coupez pour parler de deux flots qui sont en train de vivre une séparation de leurs parents. Tandis que dans Krampus, ton 40 premières minutes, c'était, voici cette famille-là, je vais vous la montrer, je vais vous la bâtir, puis je vais me concentrer là-dessus, et je vais y aller avec des trucs qui vont vous faire penser à des familles qui vous rejoignent. Moi, la famille de Jurassic World, il n'y a rien, aucun personnage là-dedans que j'ai trouvé qui ressemblait à quelqu'un que je connaissais. Tandis que dans Krampus, je les ai toutes déjà vues, ces personnes-là. C'est une question d'identification. Puis les personnages dans Jurassic... et de vérité, ouais. Les personnages dans Jurassic World sont mal écrits, puis les acteurs sont pas autant charismatiques, j'ai pas autant apprécié, mais c'est surtout que les seuls moments où on est supposé avoir des discussions intéressantes avec ces personnages-là sont pas intéressantes et s'éternisent. Le maudit divorce s'éternise. Dans Krampus, là, tous les problèmes qu'il y a dans cette famille-là sont résumés en 2 minutes. Une lettre que Max a écrit au Père Noël, et lorsque les cousins lisent cette lettre-là, ça a le plus d'impact, cette 2 minutes-là, que toutes les minutes interminables de Jurassic World, pourquoi maman se sépare, ils vont tous revenir ensemble, ta-ta-ta-ta-ta. Pas besoin de s'éterniser là-dessus, parce que dans Krampus, c'est juste mieux écrit, puis que les personnages, on s'y intéresse, et le réalisateur s'intéresse à ces personnages. Colin s'en calisse de ces personnages dans Jurassic World. Lui, ce qu'il veut, c'est montrer des dinosaures, puis des attaques de dinosaures, puis s'est fait imposer des moments d'ol avec des personnages par le scénario, et il n'a pas eu le choix de les tourner de manière plate comme qu'il pouvait, parce qu'il s'en foutait. Okay. Moi, je l'ai juste vu une fois au cinéma, le Jurassic World, mais je me rappelle avoir, dans mon petit vidéo que j'avais fait sur la chaîne du Bras de Fer, j'avais dit que c'était les deux enfants, c'était mes préférés de la série. Je trouvais que j'ai vraiment beaucoup aimé les deux frères. La dynamique de famille, je m'en foutais un peu parce que je pense que c'est là que ça vient malhonnête, ta question. C'est parce qu'on les voit genre 5 minutes en tout, la famille au complet dans le film, tu sais. Moi, j'en trouvais malhonnête parce qu'ils étaient pitchés sans vous avertir. Là, c'est comme baf, ah ouais, ils réagissaient. Ouais, mais tu sais, dans Krampus, tu passes 1h30 avec la famille. Dans Jurassic World, tu passes le début puis la fin, tu sais, avec la famille. Les deux frères, ça compte pas pour la famille, pour moi. C'est les deux frères, tu sais. Non. Puis, moi, les deux frères, je les ai bien aimés, mais pas autant que la famille dans Krampus. Puis, ce que j'ai aimé dans Krampus, je l'ai dit tantôt, c'est qu'il évolue au fil du film. Il reste pas cliché. Au début, c'est des gros clichés. C'est le beau-frère qui arrive, qui a oublié l'enfant dans le char, l'enfant qui a la couche pleine, puis tout. Mais plus ça avance, même le beau-frère, il évolue. Tout le monde évolue. Tout le monde devient vraiment humain, puis il y a quelque chose de sérieux à apporter, puis tout ça, c'est ce que j'ai aimé, moi, personnellement, t'sais. Fait que, non, j'ai préféré les personnages de Krampus. Le personnage du colon aurait pu être colon tout le film, puis jamais devenu attaché, mais à un moment donné, tu vois que le personnage finit par prendre conscience. C'est pour ça qu'il est plus le fun que Cousin Eddy, je trouve. Il est vraiment plus le fun que Cousin Eddy dans Cousin Boule. Mm-hmm. Parce que Cousin Eddy, il évolue pas, là, tu sais. tu l'haïs encore à la fin, tu trouves. Ouais, il est juste contre. À la fin, t'as pas le goût encore de passer Noël avec. Ben, nous autres, on a passé Noël dans le 2 complet avec Eddie. Rappelle-moi pas ça. Non, je sais pas. Eh boy. Est-ce que ça répond à ta question, Vicky? Ben oui, parce que en même temps, ça confirme. Tu sais, moi, je suis pas d'accord avec votre opinion, dans le sens où, moi, au contraire, la famille de Krampus, c'est une famille que j'ai vue beaucoup trop souvent. Et moi, je me suis identifiée totalement aux plus jeunes dans Jurassic World. Mais, tu sais, quand les critiques, vous n'étiez pas les seuls à dire à quel point la famille était inutile dans Jurassic World. Puis moi, je l'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé, cette famille-là. Pas juste leur domaine de divorce, parce que oui, il y a une scène où ils sont dans un TGV, puis ils se mettent à broyer que les parents vont se divorcer. Oui, c'était totalement inutile, cette scène-là, je suis d'accord. Mais au bout du compte, je m'étais vraiment attachée aux deux petits garçons, puis j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé le jeune. Parce que moi, je m'étais identifiée. Tu sais, quand il court dans sa chambre, puis il va chercher, je me souviens pas quoi, je pense son appareil photo, puis là, t'as des dinosaures sur les murs. Je croyais que c'était subtil, mais moi, je m'imaginais quand moi, j'étais jeune, puis j'avais mes posters de dinosaures. Souvent qu'ils ont eu, le Sam, tu sais, tu mettais des lunettes, puis ça devenait 3D, les posters de dinosaures. C'est là. C'est ça qui était fou, là, c'est que j'aurais dû me reconnaître dans ce flow-là quand j'écoutais Jurassic World. Ce flow-là, c'était moi, puis je l'ai... Non, j'étais pas... Ouais. Puis moi, c'est ça, c'est le contraire. Puis tandis que la famille dans Krampus, je la trouvais très, très déjà vue. Puis peut-être justement parce que c'est des numéros, c'est des clowns. Puis même s'ils évoluent, moi, je trouvais qu'ils restaient beaucoup à la base du numéro et du clown. Puis très faire-valoir de Max, justement. Mais encore une fois, j'ai pas aimé un, j'ai aimé l'autre. Fait que je voulais juste voir si c'était une continuité pour vous aussi. Et ça confirme si vous êtes dans la continuité. Oui. Ben écoutez, je serais curieux d'entendre l'opinion de nos auditeurs là-dessus. C'est, Mais ça, on y va avec l'opinion générale. Là, on avait commencé avec Jeff. Recommandation? Ben, c'est un bon film d'horreur de Noël quand même. Là. Puis je l'ai plus aimé que Silent Night, Deadly Night, ça c'est sûr et certain. Moi, je recommande d'aller le voir au cinéma. Je pense que ça vaut la peine d'encourager un film de cette grosseur-là. C'est quand même pas un film de... C'est une grosse sortie énorme. C'est une grosse sortie, mais je veux dire, c'est pas un film à plusieurs centaines de millions. Fait que, ça vaut la peine d'encourager des petits films comme ça. Mm-hmm. Surtout que c'est bien fait. Il y a du cœur derrière ça. Il y a une belle histoire de famille et tout ça. Puis non, je pense que sérieusement, ça vaut la peine d'aller le voir au cinéma. Fait que, c'est cela. C'est un cinéma pour moi aussi. Je sais pas si je vais l'acheter pour le réécouter très souvent. Mais une chose est sûre, c'est que je pense que tant qu'elle le voit une fois, c'est un film que je veux voir au cinéma. Vicky? Ah, moi aussi, c'est cinéma. Comme ça, si tu t'emmerdes, tu peux pas t'en aller. OK, fait que c'est une bonne mauvaise chose. Je sais pas. Steven? Moi, je cinéma, n'hésitez pas à aller l'encourager. Puis vu que j'ai été le voir une deuxième fois, puis ça confirme un peu, puisque j'avais peur que la deuxième soit un peu moins bonne. Au contraire, j'ai autant apprécié mon deuxième visionnement, fait que je recommande aussi un achat pour moi que ça sorte en Blu-ray. Excellent. Mais là, est-ce que la finale a changé un peu notre opinion? Est-ce que ça va modifier un peu notre... j'adore le film maintenant. Ah, écoute, je dis, on passe en musique, on lit les opinions des gens, et après ça, on vous fait un petit segment spoiler pour vous parler de la finale. Alors, yes, restez sir. Avec D'accord. nous, on va justement aller écouter la chanson de l'intro du film, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, et on se revoit tantôt. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that will talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree in the Grand Hotel, down in the park as well. The sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. Beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas. Alors, on est de retour maintenant pour lire vos opinions sur Krampus et Silent Light, Deadly Night. Malheureusement, on a posté un peu tard, fait qu'on n'a pas beaucoup d'opinions. Mais on en a quand même quelques-unes. On a tout d'abord Audrey. Audrey qui, soit-il en passant, a gagné ton concours, Steven. Oui, la chanceuse, ça jouait serré avec Pascal Jacob. Dans oui, un sens, hey, ça a été quand même serré tout le long. Oui, puis dans un sens, je suis content que ce soit Audrey, parce que il me semble les deux autres années, c'était Pascal qui gagnait tout le temps. C'est parce que, tu sais, Pascal, à un moment donné, il n'y a pas juste toi. Oh, Pascal, you've been détrôné. Mais non, donc, c'est ça. Audrey qui nous dit « Silent Night, Deadly Night m'a fait penser à Discopat. Je me demande si les créateurs de ce dernier s'en sont inspirés. » Mais bon, ce dont je vais me souvenir le plus, c'est probablement la nudité féminine omniprésente. Hein? On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Puis elle nous écrit aussi pour Krampus. Elle dit « J'ai été un peu déçu de Krampus. J'ai l'impression qu'ils auraient pu montrer l'horreur, monter l'horreur d'un ou plusieurs crans. On dirait qu'ils n'ont pas osé y aller à 100%. Comme c'est là, c'était dans la catégorie « So bad, it's good », mais sans atteindre le « it's good ». Je ne sais pas si je suis clair. Ben, c'est clair, c'est un PG-13, mais... je pense. Ben... C'est même pas, pas un film d'horreur, tu sais, R ou quelque chose du genre, tu sais. Il était limité. Ah, c'est ça. Ben, en même temps, je l'ai dit, je trouve que c'est voulu que ça soit vraiment un film d'horreur familial. Ouais. Je pense pas que c'était voulu faire un film d'horreur. Le niveau d'horreur d'un Gremlins. Ouais. Et sinon, on a Simon Paradis qui nous en a écrit tout qu'un. Alors, qui dit « Je dois dire que j'étais heureux d'avoir vu... » Krampus, mais j'avais un peu l'impression qu'il ne savait pas où aller avec ce film-là. L'humour est très présent et ça ne me dérangeait pas vraiment. Mais les seuls éléments d'horreur utilisés, c'est des jumpscares un peu mal placés et il y a une absence de vraie ambiance effroyable. De plus, ça essaie d'être un monster movie, mais les monstres arrivent tard, sont pas hyper définis et ils provoquent plus une envie de rire qu'autre chose. Les scènes de confrontation contre les monstres sont filmées comme les Transformers de Michael Bay, donc shaky cam et alternance de super exposition et de totale obscurité, comme pour essayer de cacher que le look de leur monstre leur plaisait pas une fois en post-prod. Sinon, j'aime bien les personnages, même si c'est des gros clichés ambulants, et j'ai pas grand-chose à dire sur l'histoire qui est plus une mise en place pour les événements du film qui sont un peu prévisibles. Predictable. En tout cas, il écrit predictable, mais j'imagine que je veux dire prévisible. Il dit, je sais que mon commentaire est un pavé. Écoutons. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut. Ce qui résume quand même plus, c'est qu'il ne faut pas aller le voir avec en tête qu'on s'en va voir un film qui va être vraiment effrayant. C'est ce que Steven nous a appris. Puis ça. On va en parler de John Scott. Nos projets, les gars. Ah oui, ben, bras de faire des films pour l'instant. On est en train de discuter qu'est-ce qu'on fait comme prochain épisode. On peut faire ça très rapidement, fait que ça ne devrait pas être très très long. Épisode de Noël, probablement. Puis un épisode de top de fin d'année qui est au début janvier. Fait que c'est pas mal ça qui est dans les plans. C'est brasdeferdesfilms.com. Cool. Et Vicky, y a-tu du gras sur ton écran? Ah, toujours, toujours. Surtout quand je fais cuire du bacon. Alors, bon. Ben justement, j'ai mis du gras partout sur mon écran. J'ai encore mon spécial sur la planète Mars qui est en vigueur. Et je suis en train de préparer deux spéciales en parallèle. Un sur Will Smith et un sur Woody Allen. Hey, yes. W. Yes, Man Allen for a win. C'est ça. Oui, W, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je fais un spécial sur le W. C'est comme ça. Cherchez sur Internet, il y a un truc, c'est Will Smith. Will Smith. Ça, c'est... Oui, ça me fait mourir, ça. Ouais. Et ça, je ne sais pas c'est quoi Smith. La définition de Smith. Donc, moi, je ne parlerai pas de mes projets. Il y en aura, puis vous serez surpris quand ça arrivera. Sur ça... On vous laisse, ceux qui n'ont pas vu Krampus, mais ceux qui ont vu Krampus et qui veulent nous entendre discuter de la fin, restez tout de suite après la madame qui va crier. On vous revient tout de suite. Alors, on est maintenant rendu au serment spoiler. Et premier spoiler, non, je ne suis pas fâché envers Vicky. J'avais juste fermé mon son. Alors, vous serez les seuls à le savoir. Il fallait rester jusqu'au bout pour savoir que je suis trop niaiseux et que je ferme mon son. Ce qui fait que Vicky parle dans le vide. Mais, hey! Mais finalement, c'est juste parce que je voulais vraiment juste plus y parler. Là, j'étais tanné. Non, c'est pas vrai, Vicky, elle sait. Hey, la fin de Krampus. Double twist, finalement. Parce que... Vas-y, Jeff. Ben, premier twist, le petit garçon se réveille. Ce n'était qu'un rêve. Ou un cauchemar. Ou en tout cas, un cauchemar. Mais on devrait peut-être commencer par décrire la fin, en première, qu'est-ce qui se passe. Parce que, tu sais, le petit garçon se ramasse devant le Krampus, qui tient sa famille en otage et tout ça, puis qui a un gros trou qui s'est ouvert dans le sol, qui a des flammes et tout ça, c'est le trou vers l'enfer, probablement. Puis, il menace de jeter une de ses cousines, tout ça, puis... finalement, ben, il va finir par le faire, puis il va jeter Max aussi. Puis là, j'étais comme... « Wow, le film a vraiment des couilles, ouais, c'est cool. J'aimerais que ça se termine là. » Mais non, Max se réveille et tout le monde va bien. Et là, tu fais comme « Ah bon, ça y est, c'est Christmas Carol. » Ouais. Je me suis dit la même chose. Mais en même temps... Fuck you, Michael Dougherty. En même temps, j'étais content de voir Max heureux, mais dans un autre sens, j'étais comme « Non, je veux pas un happy end. » Ah non, je voulais... Un happy end, ça me dérangeait pas, mais pas celui-là. Pas ça, pas un rêve. Qu'est-ce que t'en as pensé, Vicky, de ce petit twist-là, le premier twist? Ben, en fait, moi, j'aurais voulu que le film... Il y a un fade au black à un moment donné avec la voix off de la grand-mère. Le film fade, puis t'as la grand-mère, parce qu'il reçoit la boule de Noël de Krampus, puis là, la grand-mère qui dit « Hey, il m'a laissé seul comme témoin de tout ça. » Puis il y a un fade au black. Là, j'étais comme « Ah, ça pourrait tellement finir là, et j'aimerais ce film. » Là, ça revient, puis là, t'as le Max qui broille, puis full rédemption. Je suis comme « J'étais... » Mais, hey, mais non, c'est vrai, c'est cette première fin-là, là, où ce que tu penses que ça va finir là-dessus, c'est clair que le réalisateur a voulu nous donner ce feeling-là. Mais j'étais comme, what? Il aurait manqué de quoi? Oui, mais à la limite, tu fais au black, mais tu continues sur Max plus vieux qui compte cette histoire-là à sa famille. Non, ouais, peut-être. En vieillard, qui compte. Fait que là, tu dis, OK. Fait que le Krampus, il court toujours après les mêmes... Ben, pas les mêmes personnes, mais quand il y a une personne en tête, Krampus, il l'oublie pas. Comment Max Vieillard avec sa famille, t'auras pas... Tant que c'est pas Max Vieillard avec un shotgun qui court après le Krampus au travers du monde, mais, tu sais, j'aurais voulu que ça fête aux plaques, puis ça continue, mais pas à ce moment-là, qu'on continue pas au moment où on était. Mais non. Mais je trouve ça drôle parce que vous dites « Ah, c'est le twist qu'il se réveille, puis c'était qu'un rêve. » Je l'ai pas perçu comme si c'était un rêve, j'ai juste perçu comme si... Le Krampus, il redonnait ça, dans le fond, qu'il a laissé une chance. Ben, oui, mais la première shot, là. Ouais, non, oui, aussi. Aussi, je me disais, il a redonné une chance, mais c'était plein de rien, tu sais. Il a pas redonné une chance, il rit dans sa face, puis il crie dans un lave. C'est sûr qu'il a pas redonné une chance. Non, mais j'ai quand même pensé ça sur le coup, même s'il riait. T'sais, j'étais comme, ah, finalement, il a redonné sa chance, parce que c'est peut-être le seul, je sais pas, qui était sincère à vouloir passer un beau Noël. Je sais pas, ou genre, ha, je ris dans ta face, mais tu vas te réveiller tantôt, tu le sais juste pas encore. Ouais. Mais tu sais, puis là, tu fais comme, OK, bon, mais tout ça, c'était dans le rêve à Max. Puis là, bon, tout le temps, dans ce genre de truc-là, qu'est-ce qu'on se dit? Était-ce un rêve? Ou va-t-on avoir un indice que c'était pas tout à fait un rêve? Et là, on a... Puis c'est là que c'est le fun. Parce que non seulement on a l'indice avec la cloche qui reçoit un cadeau, mais qu'est-ce qu'on a en plus? Les regards de tout le monde. Ça m'a comme fait « Wow, OK, ça, j'aime ça. » Tout le monde. Il y a quelque chose de différent, là. Tout le monde, non, mais tout le monde en voyant la cloche, tu sens qu'ils savent tout qu'est-ce que c'est, tu sais. Ouais, c'est ton souvenir. Ils ont tous rêvé la même chose. Ils ont tous vu la même chose que lui. Juste que d'autres aussi se sont tous levés le matin en faisant comme « Ah, cool, c'était juste un rêve, merci bonsoir », puis ils en ont juste pas parlé. Mais ils se sont réveillés avant lui. Ouais. Ta soeur dit « Ça fait une éternité, je t'attends ». Fait qu'à partir du moment où ils se font kidnapper, ils se réveillent de l'autre là-dedans, côté. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai compris. Fait qu'elle s'est ramassée toute seule dans la maison au début. Pendant un petit bout, c'est ce que j'ai compris. Puis après ça, les autres se sont réveillés. Et plus ils se faisaient kidnapper, plus vite ils se faisaient réveiller. Parce que je pense aussi que quand Max descend, celle qui va s'asseoir, c'est sa cousine qui est la dernière à avoir tombé dans le trou, est en train d'aller s'asseoir à son tour. OK, ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression que quand tu te fais sacrer là, tu te réveilles non bas. Ça, c'est pas fou pantoute. Mais c'est ça. Donc, finalement, tout le monde a vécu ça. Et je pense que cette cloche-là fait en sorte que tout le monde autour réalise, là, tabarnak, c'était vrai, que c'est ça. Et bon, avec le petit zoom out de, finalement, cette famille-là est dans une petite bulle qu'on shake et ça fait de la neige. Ça, c'était pas obligé d'aller jusque-là, mais c'était correct. C'était comme pour nous montrer, regardez, il y en a plein, puis Krampus le fait... Le fait mais ils l'ont fait, ils sont allés jusque-là, puis c'est là qu'il y a plein de questions m'est arrivé en tête. Puis moi, après ça, je comprenais plus rien. OK. Ben, la grand-mère, es-tu dans une bulle? Hein? Dans une autre bulle. Elle est avec eux? Ben, elle est avec eux, mais si elle a eu sa boule de Noël de Krampus? Ouais. Es-tu dans une autre bulle? Ils sont pas enfermés. Moi, j'ai pas vu qu'ils étaient enfermés. Moi, ce que je vois, c'est que Krampus, c'est comme juste... un souvenir de ça, c'est comme j'ai fait un truc avec cette famille-là, elle est là, merci, bonsoir. Non, moi, je les ai vus enfermés. Non, mais moi aussi, je pense que je les ai vus enfermés tant qu'est-ce que Max voulait. Max va avoir ce qu'il veut, mais pour l'éternité. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, oh, moi, j'ai pas vu ça enfermé. Il vit dans un Noël éternel, là, je pense. Là. Ah, ouais, bon, tu ok, hey, mon Dieu, moi, j'ai juste vu un genre de... c'était un souvenir. OK. Parce que la grand-mère ne peut pas... la grand-mère ne peut pas être enfermé, donc c'est ça, certain que si personne n'est enfermé. Sinon, ça ne fitterait pas avec la grand-mère. Donc, Mais c'est ça, je dis! La grand-mère! C'est ça. Mais je comprends pas, la grand-mère était avec eux pareil. Oui, ouais, mais la grand-mère, elle a vécu Krampus? À l'époque. Fait qu'elle était enfermée dans une bulle? Oui, à l'époque, la grand-mère, elle a accepté ses conséquences avec la boule. Max l'accepte pas, il retourne confronter le Krampus. Fait que c'est comme... Fait que c'est ceux qui confrontent Krampus qui sont là. Ouais, c'est surtout ceux d'après moi qui... La grand-mère, ses parents, elles, sont morts. Ils sont pas dans une bulle. Fait que c'est comme si... ah ouais, c'est comme si... Beaucoup trop quête. Tu te tues jusqu'à la fin, tu te ramasses une bulle, puis t'auras ce que tu veux, mais t'es enfermé pour toujours. Fuck! Là, moi, j'étais pas allé jusque-là dans mon interprétation. Je vous l'ai dit, man. C'est un genre, c'est ça son enfer, dans le fond, il s'est fait jeter en enfer, quelque chose de genre, c'est son enfer. Son paradis, c'est son enfer, si on veut. Son paradis, ouais. OK, moi, je vois pas si dit... C'est une arbre à double tranchant, là. Tu vois, moi, je le voyais anecdotique, ce petit clin d'œil, là. Mais la grand-mère est avec eux autres à la fin, je me souviens plus. Ouais, parce qu'elle la regarde. OK, ouais, c'est vrai. C'est elle la première qui voit la boule, qui a une réaction, puis après ça, tu vois tout. Je me rappelle. Parce que la grand-mère, je trouve c'est logique qu'elle soit là, parce qu'elle décide de laisser sa famille partir, puis là, elle décide de reconfronter le Krampus tout seul, fait qu'elle se ramasse avec eux dans la bulle. Fait qu'elle se serait pas ramassée dans la première, parce qu'elle l'a pas suivi Krampus dans la première, puis il l'a pas attrapé dans la première. Exactement. Dans le fond, il donne la boule de Noël, puis c'est comme, t'acceptes ce que t'as souhaité, puis c'est comme ça. Mind blown. Ouais, OK. Je serais quand même curieux d'entendre Michael Doherty là-dessus, mais... Ben là, c'est plus intéressant. Moi, je suis sorti du cinéma, j'étais un peu frustré par la fin, mais j'étais resté sur le... Je pense que c'est la première fin, tu sais, qui a l'air de sortir, qui a l'air que le flou a fait comme un rêve. Je suis resté dans cette impression-là de négative, que c'est comme « fuck », il m'a sorti la fin conne, qu'on veut jamais que c'est juste un rêve. Puis je suis, même malgré le fait qu'ils sont dans une petite bulle, tout ça, que finalement tout le monde l'a vécu, le film, je trouvais que ça c'est pas, il y a quelque chose qui me faisait chier dans le final, puis on n'a pas encore parlé, mais le plan final, il m'a vraiment mis en crise. C'est comme, va chier, on n'a pas besoin de ça. Le plan final, tu parles de quand le jump scare qui me fait chier, qu'on voit dans tous les films d'horreur à cette heure, qui est le jump scare à la Sinister, là, qui me fait vraiment chier. Oui, c'était vraiment le jump scare à la Sinister, et depuis ce temps-là, c'est le même que j'appelle ça, moi aussi. Quel jump scare? À la fin, toutes les créatures t'arrivent d'en face. Sauf que... où t'étais déjà sorti. Peut-être. Après les boules. À la fin, là, tu vois comme le zoom out, là, tu vois plein de boules partout. Ah ouais. Il apparaît. Moi, j'ai achumé. Moi, je trouve que c'est inutile. Tout le monde a sauté dans la salle, mais c'était à cause d'elle. C'est inutile, mais ça m'a pas autant fait frustrer que d'autres films. T'sais, comme j'ai écouté Insidious 3, puis t'en as un jumpscare à la fin avec un des personnages précédents. Puis celui-là m'a vraiment fait chier parce qu'il était affreux et très mal fait. Là, c'est juste anodin. Je suis comme, ah, ok, c'est pas gratuit, nécessaire. Mais c'est super gratuit. Ça sert à... Mais ça m'a pas frustré. Ça m'a pas fait baisser mon impression du film. J'ai comme fait gasser deux secondes. Non, moi non plus. C'est comme correct. Là. C'était comme, c'est vous n'avez pas dû, mais c'est pas. Non. Mais, c'est juste que ça me laisse sur une mauvaise. Mais mauvaise, moi, pour vrai, à ce moment-là, je me demandais trop la grand-mère, elle sortait d'où. Puis tu sais, ça m'a frustré. Pour vrai, pourquoi elle compte son histoire en anglais, puis le reste du temps, elle parle en serbo-croate, là? Ouais. Ben, tu vois, moi, c'est... il y aurait juste. Il manquait une scène dans le film pour justifier ça, puis même pas, c'est une, même pas une scène, c'est un dialogue. Là. C'est genre le père de la famille avec la grand-mère qui fait comme, regarde, je sais que tu les aimes pas eux autres, mais s'il te plaît, est-ce que tu pourrais te forcer pour parler en anglais aujourd'hui? Puis qu'elle ouais. regarde. Ben, je pense juste qu'elle est plus habituée de parler dans sa langue d'origine. Puis... Mais même avec la famille, même avec eux autres, les 3 ou 4 de la famille, elle parle jamais en anglais. Ouais, mais on dit qu'ils comprennent, qu'elle comprenne ou non. C'est... Ouais, mais oui, ils comprennent sa langue, ils comprennent. Ouais. C'est ça, fait que tu sais, c'était correct. Quand elle la raconte en anglais, c'était comme, ok, vous autres, vous comprenez pas ce que je dis, fait que je vais la raconter en anglais, mais c'est la dernière fois que je me force. Mais là, je pense que le moment t'es critique, il fallait absolument ouais, que tout le monde comprenne, je pense. C'est ça, c'est le même que j'ai vu ça. C'est juste que j'aurais juste voulu que le père dise, pourrais-tu te forcer juste pour eux autres une ouais. fois, ah, puis qu'elle fasse un genre de non. Merci. Ouais. Mais j'ai adoré le dialogue de genre, we're fucked. Ouais. Je sais pas comment ça sortit en français, mais c'est comme, elle dit quelque chose, puis le petit garçon, les filles sont comme, qu'est-ce qu'elle a dit? Il dit, je sais pas trop. Puis là, ma tante a dit, we're fucked. Ah, je pense qu'elle dit juste on est dans la merde. Moi, c'est ça. On est dans la merde. C'était pas près ça, la traduction. Ouais. C'est correct. C'est vraiment ça, c'est on est dans la merde. C'est... Qu'est-ce qu'elle dit en français? On dans est dans la merde. Ah non, ouais, ça marche bien en anglais. On est dans la merde. Parce que dans un PG-13, c'est la seule fois que t'entends le mot fuck dans ouais, le film. C'est we're ça. Fucked. Mais il y a un moment donné, lorsque... le moron bat les petits bonhommes en pain d'épices dans la cuisine, à un moment donné, il prend le shotgun, puis il vient pour dire un fuck. Mais tu l'entends pas. Mais je suis sûr que dans le Blu-ray, tu vas avoir un petit unrated juste pour les fucks. est-ce que vous aviez d'autres choses à... Ouais? Ben moi, la fin, c'est ça que j'allais dire. C'est que la fin, je trouve que elle arrive à trop de moments. T'sais, on a le fin d'O Black, le campus qui rit, le réveil. Le... On dirait qu'il sait pas quand finir. Puis on sait pas si c'est laquelle la fin du réalisateur, puis c'est laquelle la fin de la production. Mais pis... non, ça, c'est étonnant, hein? Puis est-ce que, justement, la fin de mettre les boules de Noël sur un étagère, c'est pour nous amener une suite ou c'est pour nous amener une fin conclusive? Ben, c'est pour ça que je l'ai parlé en hors d'onde. Je lui ai demandé c'était quoi le film du clown meurtrier, que Stitches. Ouais, qui est un peu le même parce que la fin, tu te rends compte qu'à la fin, tu pourrais avoir différents clowns, différentes histoires, je pense. Je me souviens plus exactement, mais à la fin, tu as comme une place où ce que tu as différents... Comment ça marche, Steven? Tu te rappelles-tu? T'as différents clowns, différents je clowns, pense. Il y a ou, une grosse météorite, les œufs, puis les... Oui, ouais, c'est ça, il y a plein d'œufs clowns, ou je sais pas trop. Moi, tout de suite, ça m'a fait penser à ça. Je me dis, ah, là, il y a une possibilité de millions d'histoires différentes avec le Krampus. Il y a comme enfermé différentes familles, puis on pourrait avoir à chaque sequel, on pourrait avoir l'histoire d'une autre famille. Mais en même temps, t'sais. Le poster, c'est basé sur cette fin-là. Fait que je trouve que ça fait un peu de sens que ça se termine là-dessus. Là. Wow, tu vois juste la main du Krampus sur les bords. Poster, là, c'est du marketing, là, souvent, ça n'a rien à voir avec le film. Mais ça fait pas partie de la légende, ça, du Krampus, que justement, les familles restent enfermées dans une boule. Je connais pas la légende. Non, je connais pas la légende. OK. Mais... Avant cette année, j'avais jamais entendu parler du Krampus. Moi aussi, c'est la première fois, puis j'ai commencé à faire des recherches, j'ai vu qu'il était dans plusieurs films, puis il était dans le film que Steve Blum ne voulait pas écouter. Il y a un moment Krampus dans ce film. Puis ouais. Ça, c'est juste... A Christmas Horror Exactement, Story. Exactement, ça a l'air qu'il y a un Krampus. Je voulais l'écouter juste pour écœurer Steven, mais finalement... Il y a Krampus de Reckoning, si tu veux voir Krampus d'Asylum. Si tu veux voir la version WWF de Krampus, écoute-les. Là. Yo! Mais ils sont comme tout arrivés en même temps, les Krampus. Ouais. Ouais, vraiment. Ben, les cheap, c'est juste pour vaguer sur le succès du nouveau. Là, ils les ont fait parce qu'ils savaient que ça sortait. Là. En effet. Hey, est-ce qu'on a tout dit ce qu'on avait à dire? Je pense que oui. Ben, hey, là, c'est un vrai au revoir à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Merci beaucoup. C'était le fun. Là, c'est plate. On peut pas vraiment avoir vos opinions sur la fin de Krampus. Parlez-nous en privé. Là, on va être bien content d'échanger là-dessus. Puis, dernier mot avant qu'on se quitte. Allez voir Krampus. Gardez ça, Krampus. Gardez ça, Krampus. Ouais, c'est bon, ça. Regardez ça, Krampus. Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël. Joyeux Noël! Noël! T'es plate, Vicky, tu dis même pas Joyeux Noël, tu t'en crisses, c'est ça? J'étais un peu buggé. Ah, ok. Ah. Mais j'osais pas, là, mais je bougeais plus, hein. J'en dis mes bouches, là. Ouais, tu bougeais plus. Il va arrêter de planter.